surtout, écoute bien ce qui va suivre. Faudra attendre un petit peu pour écouter toutes mes confidences 100% hard. En attendant, je te propose d'aller jouer pour gagner plein de cadeaux très très hot. Et sur Fun TV, il y a un gros plan sur le beat de Jarre. Avec des cochons précieuses. Allez, on retourne au sommaire. Qu'on a envie de décapsuler. Je trouve ça tellement beau chez un mec. J'adore les décaloter pour cela. C'est comme si tu ouvrais une pochette surprise. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui peut te plaire. Avec j'ai remarqué aussi que ta chatte était toujours épilée. C'est devenu une obligation sur les tournages? Ah non, pas du tout. C'est un truc à moi. J'aime bien quand on fait des gros plans sur ma chatte, qu'elle apparaisse très clairement sur l'écran. Une bite cachée sous les poils, ça fait pas très clean. Alors que là, on peut me voir mouillée et tout. C'est beaucoup plus joli. Tu portes aussi très mais là, il n'y a pas de dialogue, là, malheureusement. C'est juste à écouter. Faible pour la lingerie. Ah oui. Dialogue, tu peux pas les faire. Il y a trop de touches à appuyer. D'accord. Il y a Rico sur Minitel qui demande si c'est possible d'avoir Françoise à poil sur Fun TV. Ça va être dur. Et il y a Rico qui fait GG, arrête de bander sur le support magnétique. Tu sais que ça fait pas très propre. Tu as l'air de beaucoup te soucier de ton image. Ah, on n'a pas Nanou. On n'a pas Nanou pour le moment sur Minitel. C'est vrai qu'il y a peu de monde vu qu'on en a fait quasiment jamais illusion. Donc si vous voulez venir sur le Minitel 36 15 si tu as trouvé un numéro plutôt rigolo, tu nous feras signe tout à l'heure. Dépêchez-vous sur demain. Minitel, faites 3615 Fun Radio rubrique direct. Voilà. Ou sinon 0800. Stéphane, est-ce que tu auras des choses à nous dire de particulier? Stéphane. Un petit poème. Alors, dans un instant, en exclusivité pour Fun Radio, un poème de notre ami Stéphane. Françoise, tu auras donc un coup de gueule. Ça sera quoi ton coup de gueule? Vis-à-vis de TF1. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je voudrais qu'ils nous remettent haine et passion. Haine et passion. Bah, ça existe plus, tout ça. Eh ben oui, mais justement, mais... ils nous l'ont coupé. Françoise. Tiens, comme tu veux faire un coup de gueule pour TF1. Moi je vais te dire une chose, moi j'ai le programme de la semaine de cette semaine et la gaffe, tu sais par quoi qu'il est remplacé? Il est pas remplacé. Si. Il part en vacances, mais de toute manière il vient pas au mois de septembre. Si, justement. Attends parce que moi Alain nous dit non. Alain, c'est vrai? Ah bah allume ton micro toujours, pardon. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, hein. C'est vrai, il arrête. Ouais. C'est vrai, Stéphane, il arrête. Tu vois, Françoise. Donc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, t'appelles TF1, pas de problème. Mais tu le fais tout seul, TF1. Bon. Si t'as besoin d'un coup de main, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Si tu veux. Là, en septembre. Bon, alors, Stéphane nous confirme qu'il sera pas là en septembre. Donc, coup de gueule contre TF1 pour la gaffe et donc haine et passion qui reviennent sur TF1. Stéphane nous fait un petit poème dédié directement à Gérard. Mmh. Et Gérard ira chercher sa mallette afin de nous faire découvrir, bien entendu, les poèmes de GG. D'accord? Voilà. Donc, des nouveaux poèmes en exclusivité. Merci à Julie et à Florent de tenir le coup standard. C'est vrai que c'est pas facile, mais on va essayer de s'arranger pour que ça puisse continuer à bien se dérouler. On aura Ludovic dans un instant. Hervé, je l'espère, Sylvain. Les filles appelées en masse, au standard de Fun Radio 0803-08-5000 et 0870-5000. On va se retrouver dans un instant avec de la musique, avec les poèmes de GG comme on vous l'a dit. Et là encore un autre extrait d'un autre débat de GG. Celui-ci avait carrément cartonné. C'est celui de la semaine dernière, non, d'il y a 15 jours exactement. Débat sur la bisexualité. Gérard, est-ce que tu te souviens du débat de la bisexualité? Gérard, te souviens-tu du débat de la bisexualité? Attends. Bisexualité. C'était il y a 15 jours, c'est le dernier où il y avait Philippe qui était au standard. Ça avait cartonné. Je pense. Avec Caramel. Caramel. Quel casse-couille celui-là. Ouais. Tu l'avais envoyé chier d'ailleurs. De toute manière, c'est bien Fun TV. Si vous pouvez arrêter de faire un gros plan sur mon torse, ça vaudra mieux. Montre-nous ta zézette. Ta zézette. Vas-y, déshabille-toi. Montre-nous juste ton caleçon. C'est bon, Fun TV. Montre-nous juste ton caleçon. Merci. Allez, vas-y, déshabille-toi. Montre-nous juste ton caleçon. Non, c'est bon. Juste ton caleçon. Montre ton caleçon. On veut sentir l'odeur de ton caleçon. Montre ton caleçon. Allez, Fun. Et Françoise te fera une petite curlute. Non. Angélique te fera une petite curlute. Julie te fera une petite curlute. Personne. Mais montre-nous ta queue, bordel de merde. J'ai un truc pour ma caille. Bon. Ok, il y a un petit truc pour ma caille. Bon, très bien. Donc, il faut que Florent et Mordoré. Attendez, j'appelais, cherchais des numéros de cul. Ouais. Pour Gérard. Ouais. Il gueulait derrière. je tombe sur une nana, elle me fait, ah bah toi tu écoutes Fun Radio. Ah, non, mais rien qu'avec le téléphone, elle entendait Gérard gueuler. Bon, non, mais c'est bon. Et enfin, Gérard, à mon avis, doit composer des numéros de cul. Ouais. Tout le monde te connaît. Non. Tout le monde te connaît. Eh ben, on va vérifier ça, parce que j'ai eu son prénom et on va la rappeler. Voilà, tu la rappelles si tu veux. Et tu feras une petite conversation érotique comme t'as l'habitude de faire. On verra. Bisexualité, le débat, exclusivité. Bien entendu, si vous ne l'avez pas écouté, 9 minutes de vrai bonheur. Ensuite, on mettra un petit disque et on se retrouvera juste après avec donc Stéphane pour un poème dédié à Gérard. Gérard avec des poèmes et donc on appellera également un numéro de cul qui apparemment, une hôtesse qui connaît très bien Gérard et François, son coup de gueule pour TF1. Ne bougez pas, on revient dans un instant si vous voulez nous appeler. 0800 70 5000. On respire. Le thème du débat, c'est donc la bisexualité. La première question que je vais vous poser, donc c'est une question que j'ai l'habitude de poser, hein, bon ben après on prendra les questions habituelles. Donc êtes-vous pour ou contre la bisexualité? Bon, alors Gérard, répète, c'est quoi bisexuel pour toi? C'est une femme avec une femme, c'est ça? Ben disons, c'est deux femmes qui font l'amour ensemble. D'accord, donc ça c'est bisexuel. Ouais, voilà. Et la bisexuelle et un homme et un homme, c'est des homosexuels. D'accord. Gérard, oui, comment on fait l'amour avec deux femmes? Ah ben ça, je peux pas te dire parce que j'ai pas essayé, tu vois. Mais comment elles font pour faire l'amour? Elles ont pas kiki? Ah ben ça je sais pas. Je peux pas te dire mais surtout précisez vos noms, hein. D'accord. C'est Poi. Et toi Gérard, t'es pour ou contre la bisexualité? Moi je suis contre. T'es pour Gérard? Ouais, non. Pourquoi tu es contre Gérard? Non, moi je suis contre, c'est tout. Pourquoi? Alors mentir. Non mais moi je suis contre. Attends, Poi. Poi s'il te plaît. Oui. Poi. Deux secondes. Bah attends, je vais avec toi, moi c'est cool. Non mais attends, non. Vas-y. Tous les soirs à la locomotive, tu peux pas dire que t'es contre Gérard. Je suis contre, d'accord. Et pourtant, dans les chutes de la loco, ça y va. Hein. Il y a une question sur Minitel, Nathalie, qui met l'amour, c'est beau, que ça soit deux filles, deux mecs ou deux tortues. Alors, le mec qui s'amuse à roter, s'il te plaît, tu te calmes. Gérard ? Ouais. Juste une question, parmi tant d'autres, Gérard ? Oui. Gérard. Eh ben, dans ces cas-là, attends, tu retournes au standard parce que t'as un téléphone portable et c'est pourri. Ouais, mais c'est ce qu'il te dit, mon téléphone portable. Il te dit merde, alors tu retournes au standard, bonne nuit. Hop. Allez, bonne nuit, allez, hop, éjecté, tiens, prends ça. 30 secondes, moi j'ai une question pour Gérard, vu qu'il vous demande vos expériences bisexuelles. Moi j'aurais aimé savoir si Gégé, toi t'es tenté par ce genre d'expérience, parce que t'as l'air de... Moi, vu quand t'en parles et vu moi ce que j'ai vu à la loco... Vous la fermez. Du coup, c'est... Il a la vérité, Gérard. J'ai les photos. J'ai dit. J'ai un film. Oh, vous la fermez, s'il vous plaît, les cams. Ta gueule. Là, tu en es prêt, hein, Gérard. Bon, allez. J'ai les zoophiles. Bon, allez. La troisième. On y est où? Oh, c'est bon. C'est pas bon, Gégé. Bon, tu la fermes derrière, s'il te plaît. Auriez-vous envie d'avoir une relation bisexuelle? Oui. J'en ai déjà avec oui. Oui, qui? Avec toi, oui. Cette carte de fesses que je t'encule. Non, mais attends. Alors là, je vais vous dire une chose. Là, je vais prévenir. Non, mais sois prévenu, Marcel. Ouais. Tu as déjà commencé par être poli parce que je suis poli ce soir. Ok? Alors tu la fermes. Vas-y, tu vas top, Gérard. Non. Mais attendez, parce que là. Gérard, je te suis. Là, ouais, ben, dans ce cas-là, bonne nuit à toi. Mais un ultimatum, Gérard, vas-y. Ouais, ben, attends, Marcel, toi, tu as la fermée, d'accord? Je fais une date ultérieure. J'aimerais que Bruno, enfin, non, pas Bruno, Ludo nous explique, car lui est bisexuel, mais avec un homme. Donc, il aimerait bien expliquer son cas. Ah ouais, mais là, c'est l'homosexualité, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Négatif. Donc, et l'amour avec les chiens, c'est quoi, Gégé? J'en sais rien. C'est la triste sexualité. Non, mais attendez, donnez vos noms, s'il vous plaît. Donnez vos noms. Hélène. Attends, Ludovic, s'il te plaît. Ouais. Tu peux parler? Alors, attendez. Excusez-moi, je demande à parler. Gérard, tu as l'anus qui se dilate quand tu suces une bite. Bon, c'est bon, alors, les questions comme ça, j'en veux pas, merci. Alors, quelle serait votre réaction si une personne vous... Touchez le cul. Vous proposerez d'avoir un rapport bisexuel? Oui, c'est Caramel, moi je veux répondre. Bon alors Caramel, déjà tu vas commencer par te calmer un petit peu, s'il te plaît. Répondre à la question, il veut répondre, vas-y. Laisse-le répondre, Gégé. Mais moi je veux bien, mais je suis mou. Je sais pas ce que c'est. Ton petit Caramel adoré, mon Gégé. Donc je réponds à la quatrième question. Tu peux la reposer parce que j'ai pas... Non, mais c'est bon, Caramel, si tu me prends pour un con, c'est pas la peine. Très gentil. Non, mais genre, c'est Caramel qui... Mais là, Caramel, Caramel, Allez, caramel dehors. Tu reprends caramel dehors. Non, c'est caramel qui est con. On répète pour caramel. C'est lui qui est non, con. Non. Je répète pas les questions 50 fois. Maintenant. Les caramels. Allez, enregistre. Non, mais caramel, il comprend rien au débat, donc il retourne chez lui. Est-ce que Gérard assume son propre sexe? Est-ce que tu assumes ton propre sexe? Voilà la question. Alors maintenant, vous allez répondre à la question à Julie parce que moi, je voudrais que tu répondes d'abord et réponds après. Moi, j'assure mon propre sexe avec une nana. C'est tout. Point final à la ligne. Bien joué. J'ai une question, c'est Caroline. Oui, Caroline. Qui est le plus mal à l'aise, de voir deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble? Personnellement, moi, ce qui me mettrait plus mal à l'aise, c'est de voir deux nanas ensemble. Pourquoi c'est des deux perdus? Non. T'es pas un peu frustré, Gérard, avec Christine? Qu'est-ce qu'on fait, les nanas? Alors, attends. Caroline, celle qui vient de me demander qu'est-ce qu'elles m'ont fait les nanas, je sais pas qui c'est. Ben c'est Raphaël, je voudrais savoir. C'est Raphaël. Ils n'ont rien fait, les nanas, c'est ça le problème. Non, mais je vais déjà répondre à celui qui a dit Christine. Alors, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. Ou sinon, j'arrête le débat tout de suite. Si vous reparlez de Christine, je coupe le débat. C'est clair et net. De toute façon, tu nous l'as dit, Christine, elle était bisexuelle. Alors, c'est qui vient de dire ça? Alors, là, bon, Philippe, tu reprends tous les mecs au standard. Le premier, tu demandes qui a dit Philippe et tu le vires. Allez, hop, tu me les vires. Hop, tu les vires. Allez, hop. Si on les vire, il n'y a plus personne, il n'y a plus de débat, c'est pas possible. Non, mais tu vires les mecs, hop. Ouais, tu prends celui qui a dit Christine, tu le vires. Allez, hop, terminé. Voilà, tu veux faire des terreaux, là. Rassemble-moi avec Christine. Vous arrêtez. Vous sortiriez-vous trahi? Ta gueule. Excuse. Vous sortiriez-vous? Vous la fermez, s'il vous plaît. Fermez-la, putain, les pédés. Bon, vas-y. Je peux répondre à ta question? Non, là, vas-y. Il l'a pas encore posé. Ça y est, elle a très bien compris. Non, pardon, vas-y, pose la question. Vas-y. Vous sortiriez-vous trahi? Vous sortiriez-vous? Bon, tu la fermes, toi, derrière. Pardon. Attends, c'est bon. Allez, vous sortiriez-vous trahi si votre partenaire ou votre partenaire était bisexuel? Allez, hop, point final à la ligne. Allez, vous avez compris la question, je répète pas. Allez, c'est parti. On répond. Allez. Bien joué. Allez, vas-y, toi qui as une grande gueule, vas-y. Ouais, bien joué, vas-y. Vas-y, bien joué. Alors, vas-y. Excuse-moi, Gérard. Ouais. Est-ce que tu pourrais répéter la question? Non, tu vas te faire foutre, alors. Bonne nuit à toi. Bien envoyé, Tu retournes au standard. Ouais, super. Bon, Raphaël, est-ce que je peux répondre? Vas-y, Raphaël. Alors, moi, je pense qu'en fait, je veux dire, s'il va vers un... C'est aussi clair que la question, quoi. Bon, elle t'écrase, toi, derrière, s'il te plaît. Ouais, super. Si c'est avec un mec non, je peux pas répondre, puisque de toute façon, un mec et un mec, c'est pas bisexuel, donc... Non, c'est homosexuel chez moi. Voilà, donc je peux pas répondre, c'est un peu con. Bah ouais. Non, mais bisexuel. Donc, ça cliche, c'est tout. Bon, ta gueule, toi. Excuse. Laïla. Oui. Est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, je peux répondre. Mais en fait, j'aimerais parler de... Mais elle est magnifique, elle le peut. Bon, et tu me prends Bertrand et l'autre, là. Mais j'ai rien dit. Ah non, mais ça m'énerve, là. Gérard, c'est Valentin, je voudrais parler. Non, mais Valentin, tu la fermes pour l'instant. Il y a Laïla qui veut poser une question. En fait, non, je ne veux pas poser une question. En fait, je suis étudiante en médecine. Oui. Et en fait, la bisexualité, ça s'attrape comme une maladie, quoi. C'est-à-dire Je connais plein de copines à moi que... Enfin, elles sortent avec un mec, et comme ça, du jour au lendemain, elles ont complètement changé. Et elles sont devenues bisexuelles. C'est comme la grippe. Ouais, voilà, comme la grippe, mais bon. Il y a de la fièvre aussi. Ça soigne, quand même. Moi, je voudrais parler. Ouais, c'est ça que t'attrapais à la loco, Gérard. Bah oui, je pense. C'est ça que t'attrapais à la loco. Ouais, voilà, j'ai attrapé la grippe. Attendez. Mais non, la bisexualité. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Gérard, as-tu déjà eu des expériences trisexuelles? Non. Pourquoi? Veuillez patienter, votre... Pourquoi? Il y a de la bruit sur la ligne. Écoute ce que t'as dit Bertrand. Bertrand. Bertrand, vas-y, on t'écoute. Oui, Gérard, est-ce que tu as déjà eu des expériences tri, quadru ou cinquuple sexuelles? Ne quittez pas. Réponds à la question, Je viens de lui dire non tout à l'heure. Malgré que ça fait deux fois que j'ai l'eau. Mais t'écoutes pas ou quoi? J'ai de te dire non, Bertrand! Au revoir, allez, au revoir, Bertrand, vire-le, vas-y. Ouais, bah, toi, Valentin, ça va être pareil. Gérard, mon Star System, c'est ça. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. du matin à la radio libre de la nuit avec ce soir l'anniversaire de Gérard. Vous avez entendu les Bee Gees et si vous avez eu la chance d'avoir un poste de télévision braqué sur Fun TV, sur le bouquet TPS, vous avez pu voir dans les studios Stéphane, Françoise ainsi que Gérard danser sur les Bee Gees. On garde bien entendu tout ça très précieusement et à mon avis ça sera rediffusé sur Fun TV. Enfin on aura peut-être, on a des petites idées à venir. On va revenir, Gérard, ça t'a dansé hein. Ouais. Bah, ça je remercie quand même pour finir pour remercier les cadeaux. Ouais, donc je remercie la personne de Saint-Victor-du-Buton. Mm-hmm. Donc là où j'étais passé ma semaine avec Henri, comme je sais qu'Henri était dans les studios et j'aurais bien voulu qu'il vienne qu'il soit là. Ouais. Henri, s'il te plaît. On va faire ça tout à l'heure, Stéphane. Parce que là, il fait vraiment très chaud. Et si on fait rentrer toutes les 5 minutes plein de personnes, on va d'abord faire rentrer en priorité ceux qui n'ont pas eu la chance de rentrer, de nous voir. Ouais. Et de, bien entendu, qui sont là depuis minuit, qui attendent. Donc maintenant, on va faire un petit peu de. Si des fois on pouvait attendre. On peut pas, c'est pour Fun TV, c'est pour qu'on voit ton beau visage. Gérard, mais c'est exceptionnel. Alors éteignez le spot, voilà. Éteignez-le celui-ci, voilà, merci. Voilà. Là, on va appeler un numéro. On va téléphoner donc. J'aimerais avant qu'on téléphone un numéro. Florent, t'as 2 secondes? On voudrait que Stéphane, tu nous lises donc ton fameux poème. Alors, oui, tu mets ton casque, tu allumes le micro et tu parles devant ton micro. Donc, non mais c'est bon, il va le faire. Vas-y, hop, voilà, hop, devant le micro, bien devant le micro. Merci Stéphane. Voilà, tu peux l'approcher. Il y a nos malaises. Ok. Wow. Donc on fait un gros plan sur notre ami Stéphane sur Fun TV et auditeur de Fun Radio. Écoutez bien, poème de Stéphane. Dédié à Gérard, et j'espère que Gérard va enfin, à 2h du matin, se concentrer 2 secondes et écouter très attentivement. Si c'est pas trop demandé, merci. Mmh. Quand tu veux. Oui, bonsoir. Voilà. C'est Fun Radio. Bon, alors prends ce micro. Tends-lui le micro. C'est bon. Prends ce micro. Voilà, alors prends ce micro, voilà. C'est bon, parle dans ce micro-là. Oui, bonsoir, c'est Stéphane. À tous les auditrices et les auditeurs de Fun Radio. All right. Silence dans le couloir, merci. Non, rentre pas, on ne peut plus respirer, merci. Allez, vas-y. Gérard, pour ton anniversaire, je vais faire un petit poème ce soir pour toi. Gérard, tu regardes ton miroir, mais tu penses que tu es vinard, car toutes les belles filles tombent sous ton regard. Gégé, le poète de la nuit, continue. Gérard, notre ami, nous fait rigoler la nuit. C'est un mec peinard, il sait se tenir au bar. Bon anniversaire, Gérard. T'es beau comme un jaguar. Tu as de l'espoir. Gégé, l'amour est plein d'humour. Tu es malin comme un félin. T'auras une très belle femme. Ah bah ça. Ouais, ben, c'est dommage parce qu'à un moment donné, on n'a pas très bien compris parce que comme tu t'es retiré du micro, si tu peux le recommencer, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Ça te va bien de dire ça, Gérard. Je sais. Bon, ben, j'ai pas l'habitude. Il y a un moment donné qui était très beau, c'est à un moment donné où tu parles du bar, c'est quoi ça? Ouais, mais c'est, pourquoi c'est quoi, tu le traites d'alcoolique ou? Non, parce que. Parle devant le micro, Steph. Parce que il arrive souvent qu'il a bu un coup, comme tout le monde. Ouais, mais attends, je suis comme toi alors. Dans ce cas-là, Françoise aussi. Mais tout le monde boit un coup dans la vie pour faire la fête, c'est tout. Ouais, mais attends, dans ce cas-là, c'est tout le monde. On n'est pas alcoolique. Non, mais attends, merci. Si. Même si, le président de la République boit un coup. Non, mais attends. Stéphane, on va pas tout mélanger là ce soir, d'accord? Hein, parce que c'est pas interdit de ouais, boire. Non mais on mélange pas la politique et mon anniversaire, d'accord? Voilà. On mélange pas les torchons. Non, j'ai pas parlé de politique. On mélange pas les torchons et les serviettes. Ceci dit, Steph, c'était très beau. Hein, ok. Tu as un autre poème. T'en as un autre ou pas? Oui. Ensuite, il y a Françoise qui a son coup de gueule. Ça s'appelle La chanson de la vie. Alors, la chanson de la vie. Et ensuite, Gérard, on téléphone à un numéro spécial à Sécu. Non, on fait Françoise avec son histoire des coups de gueule. Après le numéro de téléphone de la demoiselle, c'est quand même moi ici qui commande. Ouais, mais avant, on va c'est quand même moi qui commande ici. Oui, mais on va quand même remercier tous ceux qui attendent encore derrière. Ils sont là, t'inquiète pas, vas-y. S'appelle La chanson de la vie. Vas-y. Oui, j'ai le droit d'être libre. Ah oh bah non, alors celui-là on le connaît par cœur, Stéphane. Non, non, j'ai l'air remanié, j'ai l'air remanié. Non, non, non, mais on le connaît par cœur, on le connaît par cœur. Laisse-moi lire. Je connais par cœur, je connais par cœur, Stéphane. Gérard nous lit, fait toujours les mêmes merdes. Je connais par cœur, Gérard, en fait, on a retrouvé des bandes de toi depuis 3 ans et je peux te dire que tu nous as arnaqué. Oui. Parce que, il y a 3 ans, on a retrouvé des émissions d'il y a 3 ans, tu nous faisais les poèmes que, les derniers poèmes que tu nous avais dit, c'est les nouveaux. Premières interventions. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ouais, non, mais attends, parce que là, pour l'instant, là, tu m'as bien pas sodomisé, mais enculé. Non, enculé. Attends, ouais, quand même, on est pas les max. Non, mais les poèmes que tu nous fais aujourd'hui, ouais, c'est les mêmes qu'il y a 3 ans. Non. Ah, si, je te le dis. Non, attends, parce que là, je vais te dire une chose, là, pour l'instant, la mallette, je sais pas où, la petite sirène. La cherche parce qu'elle est... La sirène. Non, quand la sirène. Elle te l'a amené, la mallette, abruti. La sirène, tu me l'as mise où, la mallette, s'il te plaît? Bon, alors. Parce qu'il y en a un qui est dédié spécialement à ma caille. Bon, alors on va le faire après, Gérard. Maintenant, t'éteins ton micro. Hop, je vais te l'éteindre parce que t'es saoulant. Et Stéphane, non, parce que tu parles trop n'importe quoi. Alors, Stéphane, deuxième poème, vas-y, relis-le alors, vas-y. Et Gérard, tu cherches tes poèmes et le numéro prêt à composer et tu vas faire ton coup de gueule contre TF1. Stéphane, quand tu veux. Oui. Non. Oui, j'ai le droit d'être libre, au plein cœur de moi-même. Oui, j'ai le droit de vivre, loin de mes problèmes. Je suis le fils de la vie. J'en appelle au Dieu de me protéger contre ces odieux. Je vais dans l'existence, l'amour à pleine main, avec pour seul chemin celui de mon espérance. Non, j'ai le droit de vivre, et je rends grâce au Dieu pour le bleu de leurs cieux qui me fouettent et m'enivrent. Eh ben c'est 10 fois plus joli que les poèmes de Gérard, je tenais à te le dire. Maintenant, Gérard, qui vient de sortir sa mallette sur Fun TV, vous l'avez peut-être vu avec des autocollants. Est-ce que tu peux remontrer aux auditeurs de Fun TV ta superbe mallette avec tous les autocollants collés Fun Radio dessus, s'il te plaît? Voilà. Le ridicule ne tue pas, comme voilà. Vous pouvez le constater. Et donc, maintenant, Gérard va nous faire un petit poème et ensuite, on appelle donc le numéro de cul. Et ensuite, Françoise, tu vas passer ton coup de gueule. Non, on fait ce que je te dis de faire. Point final, à la ligne. Okay. Voilà. Alors... Ah, il y a Nanou sur Minitel. Gérard, j'ai envie que tu me prennes, j'ai envie que tu m'encules, j'ai envie que tu me suces. Non, mais c'est bon, Nanou, tu restes poli, s'il te plaît, pour aujourd'hui. On va se faire sucer, c'est poli, surtout quand c'est bien fait, hein. D'accord. Eh ben, on voit ça un peu. Ah, bah, puisque, non, mais, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu parles devant ton micro, là? Bah oui, qu'est-ce que je fais, là? Maintenant, oui, alors vas-y. Poème. Donc, Nanou, donc, sur Minitel, si tu réponds, laisse ton numéro, on va t'appeler. Ok. Allez, on y va. Bon, alors ça, c'est adressé à ma caille. Donc ma petite caille, ça pouvait écouter. Donc c'est pour avoir ton adresse. Mais je sais que ça va être dur. Je voudrais avoir ton adresse, mais tu ne veux pas. Je voudrais avoir ton adresse pour t'écrire, mais ma lettre revient. Je voudrais avoir ton adresse pour venir te voir. Je voudrais avoir ton adresse sur Minitel, mais elle n'y est pas. Je voudrais avoir ton adresse, mais tu es déjà prise. Je voudrais avoir ton adresse, mais tu ne veux pas me voir. Je voudrais avoir ton adresse pour venir te dire « I love you ». Je voudrais avoir ton adresse pour t'apporter des fleurs. Poème écrit par Gégé de Surine. Pas mal. Il y en a un autre. Tiens, lis-le de l'autre côté, le texte. Tiens, mets-toi de l'autre côté pour qu'on puisse mieux voir la caméra, pour qu'ils puissent voir en même temps tes textes, qu'ils puissent lire tes textes en même temps. Donc, on va essayer. Si Fun TV pouvait se bouger un peu, ouais. Et voilà, faire des plans pour changer un peu, que ça soit pas toujours... Non. Vas-y. Apparemment... Allez, vas-y, lis-le et voilà. Ah bah, c'est pas très joli. Non. Au moins on a essayé. Allez, vas-y. Alors, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Donc, ma caille. Donc, ça, c'est pour s'adresser à ma caille, toujours au standard. D'accord. Donc, je pense pas que je l'ai déjà dit. D'accord. Ma caille, il y a des belles roses dans le jardin. Ma caille, dommage qu'elles seront fanées pour le 17 juin. Ma caille, je voudrais t'en offrir, mais tu ne voudras pas. Ma caille, j'espère que tu aimes le parfum dégagé par les roses. Ma caille, dommage que le fleuriste ne veut pas te livrer les roses. Ma caille, je voudrais t'offrir des roses pour ta fête. Ma caille, en buvant un verre à la terrasse d'un café, te donner une rose. Ma caille, comment aimes-tu les roses? Ma caille, un inconnu t'offre des roses, tu les prends ou pas? Bisous ma caille de GG. Oh, voilà, chiant. Donc devant tout le monde, devant tout le monde. Oh, là, je préfère ceux de Stéphane. Ouais. Devant tout le monde. Comme il y a Fun TV, il y a des auditeurs. Je remets les deux trucs, les deux torchons. Non, les deux torchons, merci. Donc, merci Max. Je remets jamais en main propre. Voilà ma caille. Voilà. Alors donc, il y a une chose. Et là, tu ça... me ranges ça précieusement dans ta boîte à caca. Non, non, pas dans sa boîte à caca, s'il te plaît. Donc, je vais... Ah bah, va faire comme toi, tu nous le dis si gentiment, c'est que tu vas te la tailler en carotte et puis... Mais non, mais bon. Alors, ah bah si, elle va se mettre ça dans le Non, bah maintenant, comme tu m'as demandé un poème pour remercier tous les gens qui étaient là. Alors, allons-y. Donc, là, c'est improvisé. D'accord. Alors, ah bah, ça va être catastrophique. Écoutez bien tous ceux qui sont venus, même pour les gens de Fun Radio. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui sont déplacés. C'est un poème, ça. C'est ça, un poème. C'est ça, le poème. Toi. C'est ça, le poème, Gérard. Ouais, mais j'ai pas le temps de faire. Alors, on dit pas merci. Alors, vas-y. Poème dédié à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Donc, déjà, merci à tous ceux qui se sont déplacés. Donc, qu'ils soient venus de... C'est des remerciements, c'est pas des poèmes, ça, c'est minable. Mais alors, mais t'inquiète pas, les poèmes, tu les auras un peu plus tard. Non, non, non, on les aura jamais, tes poèmes. T'es un menteur, ça fait 3 ans que tu nous... Mais tu les auras, ouais. Non. Tu vas pas me prendre la tête, hein. Si, je vais te prendre la tête. Fais-moi un poème, un vrai poème, pas un... Je voudrais te dire merci à toi qui écoutes. Je voudrais te dire merci. Fais-moi un truc dans ce style-là, au moins. Alors, je voudrais déjà une chose. Non, c'est bon, Françoise. C'est pas la peine d'appeler les gens de l'autre côté quand je parle. C'est Angélique. Oui, mais elle est là, Angélique. T'inquiète pas, elle va pas disparaître. Elle est là, elle est pas partie. On te l'a pas Gérard, encore volé. Gérard, vas-y quand tu veux. Gérard. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui sont venus pour mon anniversaire. Une. Non. Ça, c'est des remerciements. C'est pas un poème. Je voudrais te dire merci. Je remercie tous les gens qui sont venus. Après, je remercie. Ouais, c'est à chier. Allez, c'est bon, à chier. Non, t'as rien foutu, t'as à rien chier. À chier. Déjà, de se branler dans les soirées d'un loco, tu vas défoncer. C'est bon. Donc, on dirait une iguane. T'as une sale gueule sur le milieu. Regarde là. Mais alors, je suis là. Ouais, j'ai une sale gueule. Attends. Florent, on va composer le numéro de téléphone de cul. Ouais. Et Gérard. Putain, tu mets le... Hein? Non, bah, on va voir. Fais-moi un truc sensuel. Tu demandes Chantal et tu la dragues. Ah, Chantal. Qu'est-ce que c'est encore que celle-là? Et après, on appelle TF1. Téléphone Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux voir Chantal, s'il vous plaît? Non, tu l'as en direct. Allô? Oui, tu l'as en direct, c'est moi. Je peux avoir Chantal? C'est moi. Ouais, bonsoir, Chantal. Bonsoir. Donc, apparemment, t'as envie de faire quelque chose ce soir? Ouais, mais avec toi, j'ai toujours envie. C'est-à-dire? Envie de faire un gros câlin, par exemple. Ouais, mais quoi comme câlin? Ben, câlin, ça veut déjà tout dire, quoi comme câlin. Ouais, mais attends, des câlins, gentils ou câlins méchants? On pourrait commencer gentiment, puis devenir un peu plus... Ouais. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire? J'ai très envie de te mordre. Partout. Ouais, mais comment? Avec les pieds. Hein? Avec... De quoi? Avec la bouche, bien sûr. Non, mais attends, pourquoi que tu rigoles là derrière? Parce que... Pourquoi? Bah attends, j'ai envie de te mordre avec quoi? J'ai pas encore fait greffer des dents entre les orteils. T'aimerais pas que je te morde partout? Moi, je voudrais bien, mais il faudrait que tu y ailles mollo quand même. Ouais, tu y ailles doucement. Ouais, moi j'aimerais me serrer tout contre toi. Ça te plairait ça, Gérard? Non, mais moi j'attends que ça, qu'une nana soit carrément contre moi, me fasse des gros câlins. Ouais. Moi j'attends que ça, que des gros câlins. Que je passe ma langue de partout sur toi. Ah ouais. Ça te plairait ça? Ah ouais. Après je descends gentiment sur ta chatte. Déjà sur tes seins. Ouais. Et après je descends un petit peu plus bas. Ah ouais, descends plus bas. Doucement, avec la pointe de ta langue. Ouais. Et toi, tu me fais quoi derrière? J'aimerais bien aussi que ma langue passe de partout sur ton corps. Te mordit la poitrine, le ventre. Passer ma langue dans tes poils, tout doucement. Là. Ça serait bon, non? Ça bête parce que j'ai pas de poils. Emmerdant, effectivement. Ah, non, on dit pas merde. C'est emmerdant. Ah, c'est emmerdant. Ah, bah tant pis pour toi. Mais moi, ça sera plus qu'à couler une moumoute. De quoi? Rien, j'ai rien dit. Bah, t'as dit couler une moumoute, là? Ouais. Non, mais attends, moi, j'ai pas des moumoutes, hein. Bon, bah tant pis, on va faire ça avec... Ça te dirait une tarte aux poils? Une tarte au poil, ouais, tu sais bien les faire au moins. Oh, bon, on va voir. Dis-moi, comment tu prendrais Gérard? Ah, mais moi je te mets. Moi je te mets. Je te mets le beurre à fondre tranquille. Ouais. Hein? Après je fais couper mes pommes. Ouais. Après la farine. Mm-hmm. Et puis après, petit à petit, j'y vais gentiment. Sur toi. Ouais. Tout doux. Dis-moi ouais. Encore. Hein? Et après, je te mets ça sur ton corps et jusqu'à sur ta chatte. Mais après, je lèche. Ouais, dis-moi. Je rajoute un peu de crème fraîche. Mmh. Je te rajoute du... Rajoute plus rien, là. Je crois que c'est bon. Rajoute plus rien, là. Je crois que c'est bon. Non, mais attends, je te rajoute du chocolat. Un peu de chocolat. Ah oui, du chocolat partout. Ah ouais. Je te mets plein de chocolat sur ton corps. C'est que Gérard, je fantasme sur toi depuis longtemps. Ah ouais. Je t'écoute, ça soit la radio. D'accord. J'ai toujours rêvé là, de venir me frotter à toi tout doucement. Oui, c'est ça. Oui, ma chérie. Ouais, t'habites où, là? Ah, je suis loin de toi, mon cœur. C'est-à-dire? Bien hélas. C'est-à-dire? Je suis à 500 bornes de toi. Où? À Lyon. Hey, oh, tu crois que je t'ai pas reconnu? C'est qui? Ma petite Virginie ou Émilie? Alors là, tu t'es planté, mon bout. Tu te trompes. Qui es-tu, en réalité? Je te dirai pas mon vrai nom. Ah, dis-le maintenant, ça y est. Ton pseudo. Non, ben mon pseudo, Chantal. Ah, c'était Chantal, d'accord, ok. Ouais, tiens mes genoux. Et Chantal avait envie de te faire plaisir. Je te fais plaisir, Gérard. Mais attends, sans déconner, un mec comme ça, comme Gérard, réellement, s'il t'appelle et qu'il te dise ce qu'il vient de te dire, tu les raccroches au bout de 20 secondes. Non, je continue. Tu restes avec ça? Faut qu'il paye alors. Ouais. D'accord, c'est ce qu'on fait en ce moment, nous? Non. Ah, c'est gentil, ça c'est gentil. Tu sais que c'est un cadeau d'anniversaire, ça, pour tes 38. Attends, ça t'a pas plu, là, ce que je viens de te faire? Bon, attends. Une nana, tu lui fais ça, je pense qu'au bout du dixième de ce que tu lui fais, dans ces cas-là, qu'elles aillent se faire foutre. Voilà, exactement. Y en a pas une qui est capable de me dire je t'aime. Oh, bah, y en a une, non? Non, il y en a pas une. Françoise. De quoi, qu'est-ce que tu veux dire, Chantal? Ah. Chantal. Je t'aime, je t'écoute. Bon, mais attends, toi, tu fais du Minitel Rose, c'est bon. Vas-y, dis-lui, Françoise, que tu l'aimes, Gérard. Non, mais c'est bon, elle est avec. Non, mais j'ai sa fille. Non, je veux pas avoir des problèmes avec la fille. Tu te débrouilles. Il y a ta fille là-bas. Chantal, merci en tous les cas. Bonne nuit, amuse-toi bien. Bon courage. Merci, Chantal. On va prendre Dark Vador et ensuite on appelle TF1. Dark Vador, bonsoir, 20 ans de Paris. On va essayer de faire vite maintenant. On va enquiller les uns à la suite des autres. Ça va, Dark Vador? Bah, salut, Marc. Très bien, merci pour ta patience. Ouais, pas de quoi. Alors, tu veux parler de Gérard? On t'écoute, ça va être assez chaud là. Bah, c'est ma petite rencontre avec Gérard dans les toilettes de la Oco, exact. Exactement. Non mais attends. Ah non, Gérard, tu peux pas nier de toute façon. Parce que non mais attends, Dark Vador, déjà une. Tu as pas commencé avec la loco, d'accord? Si c'est pour ça que t'appelais, c'est pas la peine. Non, faut pas nier, parce que alors là, je le jure sur la tête de tous les auditeurs. Non, attends. Tu as juré sur... C'est carrément pas des bêtises, car ouais. Je vais exactement vous expliquer ce qu'il m'a dit. Ouais, alors vas-y, je t'écoute. Alors vas-y, je te jure, la première connerie, tu sacs, ok? D'accord. Tu vas pas me faire chier à 36 ans aujourd'hui. Point final à la ligne. Bah déjà, bon anniversaire, Gérard. Ouais, bah, dans ce cas-là, je te remercie. Si c'est pour me dire une connerie, tu sacs. Bon, alors, tu choisis. Non, tu choisis. Ah non. Mais non, tu choisis. Tu choisis quoi? Ah, mais moi, je tu choisis quoi? Non, je vais te le dire, tu vas très bien t'en souvenir, d'ailleurs. Ouais, bah attends. Déjà, si c'est pour la semaine dernière, j'étais pas à la loco. Non, okay non, c'était pas la semaine dernière. Il y a combien de temps? Non, je te le dis. Il y a que toi qui peux le savoir, tu t'en souviens. Il y a combien de temps? Mais souviens-toi. Quand je vais t'expliquer l'histoire, tu seras très bien. Il y a combien de temps, Dark Vador? Il y a combien de temps? Oh, ça fait un mois. Non, ouais, alors, c'est faux. Bonne nuit. Non, dehors, c'est faux. T'aurais dit 3 semaines, là, ça aurait été vrai. Mais il y a un mois. Dehors. Attends, Gérard, ça se trouve, mais attends, mais tout le monde... C'est faux. Putain, qu'on nous parle des soirs à la loco. De quoi? Ça fait peut-être un mois ou plus ou moins, je sais pas, mais... Ah ouais, tu te souviens pas. Donc tu sais pas quand est-ce que tu y étais. Tout ce que je peux dire par rapport à ce que dit Dark Vador, Gérard, c'est qu'à chaque fois que je suis au platine de la loco et que je demande est-ce que c'est possible de chercher Gérard pour qu'il aille me chercher un truc, on peut pas le déranger en train de se faire sucer. Non. Écoute. Non, attends. Déjà une. Ce qu'on m'a dit. Quand t'es en platine, je suis les trois quarts. Je suis pas en platine. Dark Vador. Ok. Dark Vador. Quand t'es au platine, il a déjà bu toutes les bouteilles, donc de toute façon, il se souvient plus ce qu'il fait. Non, mais attends. Peut-être qu'il avait bien le coup, c'est vrai. parce qu'il était vraiment pas dans son état normal. Ah ouais. Et t'es fier de dire ça devant tous les gens qui sont là? Bah bien. Parce qu'il y a du monde dans les studios qui t'écoutent. Bah, bonjour à tout le monde. Ouais, ouais. Ouais, bon, bonjour à tout le monde, ils s'en foutent. Il y a des il y a du monde qui t'écoute dans le studio et il y a beaucoup de gens qui te regardent à la radio en ce moment, hein, Dark Vador, donc fais très attention. Hein. Quelque chose à rajouter, Dark Vador, si ce n'est à vendredi dans les Vaters? Bah ouais, bah je dis à vendredi. Gérard, mais, je te dis sans gagne, quoi, parce que... De quoi? Tu vas t'en tenir, de toute façon, Gérard. Non, mais attends. On a eu une discussion d'une heure et demie. Non mais attends, tu crois que des filles, des mecs, mais attends, attends, tu crois que je vais revenir te voir, toi, espèce de petit, Mais hey, t'as quel âge? J'ai 20 ans. C'est combien? Gérard, on t'a jamais demandé c'est combien la pipe au fait? Non mais attends, déjà lui il a 20 ans. Mais alors? Et alors? Bah tu te rappelles de son débat sur la différence d'âge, ça a rien à voir. Et alors? Et attends, la différence d'âge entre un homme et une nana, ouais, ok? Un homme et un homme aussi, non? Non mais attends, ouais, un homme et un homme, je suis pas marié avec toi, ok? Changer ma cutie, ok? Donc tu vas te coucher, on va reprendre quelqu'un d'autre parce que c'est des conneries. Je vois pas pourquoi tu le nies. Non mais de toute manière pour l'instant t'es en train de me dire des conneries. Non mais de toute manière c'est pas la peine de jurer, pour l'instant t'es en train de me dire des conneries. Au moins tu l'avoues qu'on a que. Non. Non, je vais rien t'avouer parce que c'est faux. C'est faux. D'accord. Tu vas pas me prendre la tête ce soir, hein? C'est mon anniversaire. Bah oui, voilà. Ok. Alors tu vas pas me prendre la tête avec ça. Voilà. Ok. Allez, bonne nuit. Allez, hop. Dégage. Tu dégages. Allez, hop là. Hop. Allez. Suivant. Alexandra, bonsoir. 20 ans de Levallois. Comment vas-tu, Alexandra? Bonsoir. Ça va très très bien. Ça va, Alexandra? Impeccable. Bon. Ben, je voulais souhaiter un super bon anniversaire à GG. Ouais. Et ouais, GG, bon anniversaire. Merci. Ouais, donc je téléphonais pour dire, parce que là je viens de la radio. Ah, t'es venue? Ouais, je suis venue tout à l'heure. Ben, je suis pas restée très longtemps, mais je suis venue. T'étais comment? Et ben, c'était bien, ouais, c'est ambiance vachement sympa en bas, quoi. Ils sont enfin en haut pour vous. Ah bon, ouais. Ouais, ils sont sympas, ça va, c'était cool. Ouais. Et donc j'ai eu la joie de voir Gérard. Oui. Qui est sorti. Et c'est la première fois que je voyais. Franchement, Gérard, je t'imaginais pas comme ça du tout. C'est un playboy, hein? Ouais, complètement. Ah, t'as craqué direct? Non. Non, il t'a fallu. Il faut observer. Ouais, 400... Il faut du temps après pour s'en remettre. Il faut un petit peu de temps, ouais. Ouais. T'en gardes un très bon souvenir? Bah oui, forcément. Qu'est-ce qui t'a marqué tout de suite chez Gérard? En fait, il est petit, hein? Ouais, c'est vrai qu'il est pas très grand. En fait, moi, je l'imaginais plus grand et plus costaud, quoi. En fait, il est petit, puis il est sec, quoi. Oui, mais il est gentil, regarde comme il est beau. T'as vu les yeux qu'il a? Ah ouais, formidable. On a envie de se noyer dedans, on a envie de se baigner dans son regard. Exactement. Et je trouve que sa voix, elle va pas avec... Enfin, avec ce qu'on s'imagine, quoi. C'est pour ça, tous ceux qui ont pas eu la chance de le voir, ouais. Faut qu'ils sachent qu'il est pas comme on s'imagine. Ouais, c'est vrai. Là, il fait des grimaces, il fait le singe, hein, en ce moment. Ah ouais, d'accord. T'étais comment, physiquement? Il a tellement de respect pour les auditeurs qui lui parlent. Ouais, il m'écoute même pas, sympa. Non, mais... Si, je t'écoute. Ah, attends, alors, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je crois que si ce soir on te demandait de faire un résumé des auditeurs qui sont passés sur l'antenne, tu serais pas capable de te dire plus de 30 secondes. Elle vient de me dire que elle m'imaginait petit. C'est là le problème, c'est que tu veux devenir un animateur radio, mais tu n'y arriveras jamais. Non, mais attends, mais de toute manière, t'en seras incapable. Elle est d'où elle? Déjà. Peu importe. Non, mais de toute manière, c'est Alexandra de Nanterre. D'accord? Ça, c'est ma trompe. Bah, elle est venue ici tout à l'heure. T'es venue tout à l'heure, Alexandra? Ouais, je suis venue tout à l'heure, ouais. T'étais comment physiquement? Brune, grande, et ouais. Voilà, quoi. Ah bon, d'accord. Ok. Ouais, ma trompette. Il y a du champagne, il y a du champagne maintenant, oh là là. Stéphane, il va falloir rester calme, hein. Ah, la trompette. On va leur offrir un petit verre, quand même. On va faire un petit verre, quand même, à nos invités. Alexandra. Oui. À tout à l'heure, tu reviens à la radio, là, et pareil que tu veux revenir? Non, je peux pas revenir, là, parce que. Pourquoi? Pourquoi? Non, je vais me coucher, là. Pourquoi? Non, attends, en plus, on est venu à pied et ça fait loin quand même. Ouais, c'est bon. Bah, y a bien un auditeur qui peut aller chercher Alexandra. Bah, y a bien quelqu'un qui peut. Oh là là, les mecs, Agnès, putain, sans déconner. Agnès. Ah, c'est vraiment des radins dans ces auditeurs. Y en a pas un qui rappelle l'autre. Y en a bien un là qui va aller chercher Alexandra. Agnès. Ma sirène. Ma petite sirène. Est-ce que tu peux aller chercher Alexandra? À Levallois. Allez, à Levallois. Bah, elle habite pas Levallois, à mon avis, c'est Nanterre. Alexandra, c'est Nanterre ou Levallois? Non, c'est Levallois-Perret. C'est Levallois-Perret qu'elle habite. Bon, alors on va voir ça, on va essayer de t'accompagner. Tu peux l'accompagner non, avec. Je viens de la donner. D'accord, ok. Bien sûr, pourquoi pas. Tu peux? Voilà, hors antenne, tu peux prendre Alexandra. Ah, qu'on fasse la fête, Alexandra, merde. Bah ouais. Bah ouais, sans déconner, parce qu'on est là. On est là jusqu'à très tard. Arrête de me dire que tu m'aimes, Julie, ça sert à rien. Oh, tiens, il manque un verre. Voilà. Bon, bah, si Gérard, on s'en fout, on s'en fout de ça. On fait de la radio, on s'en fout. Pas besoin de le dire. Alexandra, on te récupère en antenne, on prend l'adresse et puis on t'envoie quelqu'un, c'est très gentil. Voilà, Alexandra, à tout de suite. À tout de suite, Alex. Il y a Luke Skywalker, 20 ans de Orléans. Bonsoir, Luke Skywalker. Bonsoir, Max. Bonsoir, Gérard. Oui. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Ben, tout le monde, je te dis bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Puis bon anniversaire, Gérard. Merci. Bah, c'était pour parler, bah, parce que j'ai entendu la Dark Vador qui parlait. Ouais. Et je le connais très bien, de toute façon. Mm-hmm. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Non, mais attends. On a exactement aussi parlé ensemble. Bon, je suis un bon copain, lui. Et on a exactement parlé, toi et moi aussi. Non, mais attends. On n'était pas dans les toilettes, c'est pas vrai. Ça, non, c'est non, mais attends, attends. Mais, attends, allez, tu m'écoutes, là? Oui, vas-y. Tu m'écoutes? Oui. Si t'appelles pour me redire la même chose, non, ce n'est pas la peine. C'est juste pour dire que c'était vrai, c'était pas des bêtises. Non, mais alors, dans ce cas-là, non. Je suis venu vous rejoindre et puis je vous ai vu, donc vous avez arrêté, bien sûr, mais... Non, non, mais alors, dans ce cas-là, si c'est pour ça que t'appelles, c'est pas la peine. Non, si non, c'est mais... pour confirmer ton copain d'avant, c'est pas la peine. Ok? Je préfère prendre... Mais pourquoi tu me dis, alors? Non, non, mais moi, je préfère prendre quelqu'un d'autre qui a quelque chose de plus intéressant pour mon anniversaire. Luke Skywalker. Okay. Alors, dès que t'as la princesse Jade sous la main, la princesse Léa, tu nous appelles, hein. Ok. D'accord. Allez, bonne bourre. Bonne bourre, tu, tu voulais avoir quelqu'un d'autre, on va t'offrir quelqu'un d'autre. À mon avis, tu vas être mort de rire. Caramel. Salut Caramel, ça va bien? Gérard. Tu vas bien, Caramel? Gérard. Ouais, je t'écoute. Gérard. Ouais. Gérard. Ouais, accouche. C'est Caramel. Ouais, ben, tu as pas le... Ça y est, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Si je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Ouais. 25 ans aujourd'hui, ça se fête pas tous les jours. Non, 36 ans, abruti. Combien? 36. Ok, donc 26 ans aujourd'hui, ça se fête pas tous les jours. 36, connard! Donc c'est Caramel qui est pas contente parce que tu m'engueules au téléphone et moi je suis seul et toi c'est ton anniversaire. Moi quand j'aurais mes 26 ans, j'aurais bien aimé passer à la radio et puis à Fun TV. Non mais attends, du schmoll là. Non, Caramel, pas du schmoll. Ouais, bah attends, je t'appelle comme je veux, d'accord? Bon, Caramel, qu'est-ce que t'as à dire? Bon, t'as à dire quoi? Parce que là, c'est pas intéressant, ton truc. Je voulais... j'attendais la deuxième question du débat. Ouais, non, mais il n'y a pas de débat, ça, abruti. Putain, mais il est con, lui. Ah bah, il est comme toi, hein, c'est pour ça qu'il appelle. Bah, il est stobé, hein. Alors, on rappelle d'ailleurs, à ce propos-là, Caramel, d'ailleurs, c'est bien que tu nous le dises, entre parenthèses, que demain, jeudi, il y aura donc le débat de Gérard, malgré qu'il soit venu ce soir. Le débat portera sur toi, Gérard. Ouais. Est-ce que Gérard doit continuer à porter de l'Adidas ou peut-être changer en mettant de l'Antarctique? Est-ce que Gérard doit continuer à faire de la radio un peu plus? À mon avis, c'est pas faisable vu que t'arrives pas à te concentrer. Non. Donc, c'est à mon avis, la réponse est non d'office. Est-ce que Gérard sera là à la rentrée? Ça se discute. Non. C'est mal barré pour. Donc, faut en profiter parce que ce sera bientôt terminé. Voilà. Parce que Gérard, maintenant, est devenu agent de sécurité. Donc, il a mieux à faire. Et plein d'autres questions comme celle-ci. À mon avis, ça va cartonner. Caramel, on te donne rendez-vous jeudi? Oui, j'aurais aimé savoir c'est quoi le sujet. Bon, attends, c'est sur moi, abruti. Sûr? Ouais, d'accord. Arrête de fumer la moquette, mon pote. Allez, va te coucher. Allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Et c'est Caramel. Ouais, Caramel. Je m'en fous de... Caramel, on va donner rendez-vous à jeudi. Oui, Caramel. Jeudi, parce que... Gérard. Oh là là. C'est Caramel. Ouais, mais je m'en fous. Je le sais que c'est Caramel. Et alors? Bah, tu t'as rien à me dire. Non, mais moi, ça me fait une belle jambe que tu t'appelles Caramel. Caramel, bonne bourre, amuse-toi bien. Merci Gérard. Ouais. À jeudi, connard. Comment tu connais son nom? Il y a juste Sylvain avant qu'on appelle TF1 qui attend depuis très très longtemps. Allez, qui était vraiment pas là. Allez Sylvain. Sylvain, ensuite on appelle TF1 pour le coup de gueule de Françoise et ensuite on écoutera les premiers. 10 minutes. Au revoir Caramel. Oh, tu t'es Sylvain, s'il te plaît, merci. Enlevez Caramel. Oui. Sylvain. Oui. Après toi, il y aura Françoise et ensuite on passera l'une des premières interventions de Gérard à l'antenne dans sa cabine. Vous verrez que au niveau des poèmes, il n'a absolument pas évolué. Qu'au niveau des histoires drôles, elles sont vraiment très drôles. C'est l'histoire de Toto. C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, à l'époque avec Raphaëla. Donc, Dieu sait si ça remonte à loin. Ouais. Sylvain, merci pour ta patience. 17 ans de Montauban, tu seras récompensé avec un pins de Gérard. Oh là, un pins? Ouais, un pins. T'aurais que ça. Voilà. T'as pas la casquette aussi, Gérard? Ouais. Non, mais attends, tu veux pas mon slip? Non, je préférais la casquette, Gérard. Et du caramel, encore. Allez, la casquette Gérard, allez. Non, j'ai pas, allez, vas-y. Vas-y, coup. Sylvain, balance. Ouais, bon, alors voilà, salut à tous, bon anniversaire à Gérard. Merci. Par contre, Gérard, j'ai un coup de gueule à passer contre toi. Alors vas-y, je t'écoute. Parce que, bon, je t'adore et tout. Ouais. Mais là, il y a quand même des fois où tu exagères. Parce bah que ouais. tes ouais, poèmes. Je suis d'accord. Ouais. Les poèmes qui ont fait ta célébrité. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai écrit ton nom. Ouais, alors. Ouais. Et alors. C'est de Baudelaire. Ouais. Ouais. Non, mais alors, attends. Oui. Attends. Attends, oui, déjà, je m'amuse pas à prendre des trucs comme ça, c'est des trucs que je prends au hasard, ok? Ah, ça s'entend des fois. Donc tu fais pas exprès? Non. Ah, parce que c'est quand même très ressemblant, écoute, j'ai écrit ton nom sur la plaque. Bah, il a pas fait exprès de copier sur Baudelaire. Attends, Gérard, tu m'entends? Il est possible que Baudelaire ait copié sur Gérard, ouais. Oui, je crois que Baudelaire a copié sur Gérard, et c'est ça le drame. Parce que, ouais. Écoute, la famille Gérard a dit, j'ai écrit ton nom sur la plage, mais les vagues m'ont effacé. Ouais. Et Baudelaire l'a copié en disant, j'ai gravé tes initiales sur le sable, mais la mer les a effacées. Eh ben, c'est pas pareil. Non, mais attends, tu confonds tentacule et encule ta sœur. Pardon? Tu confonds tentacule et encule ta sœur. Ah ouais, d'accord. Bon, voilà, ça y est, t'as compris ce que ça voulait dire. Un grand poète, merci. Ouais, voilà. Alors, vraiment, j'admire ton... Ouais, voilà, Sylvain. Ça y est, t'as compris? Bien que je m'en branle, tu fais quoi dans la vie? Moi? Oui. Je suis étudiant. D'accord. Et alors, je voulais demander à Gérard, parce que Baudelaire, le copie, c'est clair, c'est pas lui. Oui. Alors, je voulais demander à Gérard... Ouais. Il nous improvise un poème, parce que chaque fois que tu lui demandes, toi, Max... Il en est incapable, Gérard. Non, mais attends. Gérard, t'es incapable d'improviser. Attends, laisse-le punir, lui. Laisse-le punir, parce que lui, à 17 ans, lui, il va aller voir si son bac, il va être prêt pour la fin de l'année. Ouais, si tu veux. Ouais. Écoute, Gérard. Ouais. Ça va, Non, mais je t'écoute, vas-y, Sylvain, accouche. Sylvain, dis si tu veux, je vais pas coucher, mais je vais. Non, mais accouche. Attends, laisse-le parler. Si tu n'arrêtes pas de lui dire accouche, il peut pas remplacer. Bon, bref. Alors, Gérard, tu n'as jamais pu, pour l'instant, improviser un poème. C'est vrai. Mais là, vu que quand même, c'est Baudelaire qui te copie, c'est pas n'importe qui. Alors je voudrais que tu prouves à tous les auditeurs qui t'écoutent que tu es capable d'improviser un poème comme tu le fais si bien depuis plusieurs années maintenant. Et pour prouver à tout le monde que Baudelaire, c'est quelqu'un qui n'a qu'une idée en tête, c'est de te plagier. Tu es très très fort, Gérard. Alors vas-y s'il te plaît. Bon, ben, Sylvain. Alors, écoute bien. Sylvain. Tu vas voir si c'est pas improvisé, le Lascar. Oui, déjà, Sylvain. Oui. Tu vas dire à tes copains qu'il la ferme derrière. Ouais, mais t'inquiète pas, il la ferme. La ferme? Non, non. Déjà, parce que t'es pas tout seul. Oui, okay. Mais la question, c'est pas mes copains. Non, mais, attends. Oui, il va le faire, Sylvain. Attends. Calme-toi. Alors, Sylvain. Maintenant, si tu veux attendre la fin de l'émission. Non, maintenant. Non, Gérard, improvisé. Non, Gérard, il est 2h37 du matin, il y a des gens qui ont à peu près entre 10 et 15 ans qui écoutent encore à cette heure-ci, donc, fais leur plaisir à ces gens. Alors, écoute bien. Donc, Gérard, je t'admire. Écoute bien, Sylvain, c'est bon, tu la fermes. On y va. Maintenant, Sylvain, tu t'étais, sinon je t'enlève de l'antenne. Vas-y. Donc. Non, mais c'est bon, allez, on t'enlève, vas-y. Tout seul, vas-y. Donc, je voudrais te prendre la main, mais tu ne veux pas. Je voudrais te prendre la main. Non, mais attends, dans l'herbe. Ça change rien, c'est toujours le même problème. Non, mais attends. Je l'improvise. Ouais, mais tu l'improvises avec des trucs que tu fais déjà. Ouais, mais. Fais un truc sur Sylvain. Sylvain, s'il te plaît. Vas-y, on enlève Sylvain. Vas-y, Gérard. On se concentre. Silence. Ma puce. Je voudrais que tu sois à mes côtés. Ma puce. Je voudrais te faire des câlins toute une nuit. Ma puce. Je voudrais te faire des gros bisous. Mais tu ne veux pas. Ma puce, je voudrais te dire je t'aime avec des roses. Ma puce, je voudrais te ramener en voiture, mais je n'ai pas de voiture. Ma puce, je voudrais t'inviter à boire un café, j'ai pas d'argent. Mais je ne peux pas. Ma puce, j'espère que l'on se reverra très bientôt. Ma puce, ne perds pas ma photo, car je n'en ai plus. Voilà, gros bisous. Signé. Oh là là. Gros bisous. Signé. Tataillé. Le Schtroumpf, voilà. 92. Ou Tataillé, 92. Tataillé, 92, voilà. Belle impro qui ne change pas de tes poèmes. Non mais, en plus, elle est là, la puce. Donc c'est laquelle? Ah, c'est toi? C'est qui? C'est laquelle, la puce? Pourquoi qu'elle se manque? C'est qui? C'est toi? C'est elle, la puce? Ben, viens répondre. Non mais, y a pas besoin de répondre, tu me dis c'est elle? Si elle pouvait venir répondre. Non, c'est bon, elle viendra pas. C'est elle? Oui. C'est elle. C'est toi, la puce? Oui. Eh ben dis-moi. Pourquoi que tu veux pas venir répondre? Parce que elle a pas envie, elle est pas peur. Là pour ça. Voilà, il y a Fun TV. Ouais, parce que t'as peur de passer à la radio. Voilà, non, il y a pas besoin. T'en as de la chance. C'est avec ça que tu vas faire des mômes? Non mais attends, c'est pas un Je te pose une question, je te demande si c'est avec ça que tu vas faire des mômes. Ah bah on verra. Tu me regardes, alors. Hein. Tu m'en mets un de côté. Non mais je dis pas ça pour elle, j'ai juste surtout pour fun. T'as pas envie de faire des gamins avec ça, quand même, avec Gérard? T'as envie ou pas? Non. Elle est muette? Sourde? Elle entend rien, elle voit rien. Ouais, mais parle plus fort au moins. Elle a dit de mettre ton casque sur les oreilles. Voilà, elle a dit de mettre ton casque. Non, elle t'a dit ça. Eh, hey, ton Athanase, elle est où? Elle est où ton Athanase? Je me suis fait enculer comme toi. Voilà, il fallait bien que ça m'arrive un jour, hein. Elle va venir. Tu veux que je te montre les photos d'Athanase, quand même? Une de perdue, dix sont retrouvées, hein. Voilà. Ramène-moi ça à la radio et après tu discuteras, mon enfant. Ouais, mais attends. Hein? Ouais, mais attends, on l'a jamais vu. Ouais, bah, on l'a jamais vu, mais je l'ai vu en photo, moi. Ouais, mais attends, Je me branle avec. Elle devait venir. C'est de la faute de Julie et Florent, je suis sûr qu'elle devait venir ce soir, vous l'avez empêché de venir. Vous l'avez empêché de... Non. Elle est venue, je l'ai vue ce week-end. Elle a pris peur. Elle préfère... Hervé, dans un instant, on va te retrouver. On va téléphoner maintenant à TF1, coup de gueule. Françoise, donc, explique-nous quel est ton coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, c'est que je voudrais que, si c'est possible, qu'on remette Haine et Passion sur TF1. Ouais. Parce que pour la bonne raison, c'est que Angélique, aide-moi 5 minutes. Non, tu te débrouilles toute seule, ma grande. T'es assez grande, t'as pas besoin de ta fille. Tu veux faire un coup de gueule? Non, mais t'as pas besoin de ta fille. Non, mais j'ai oublié la radio, c'est pas pareil. Non, mais on n'oublie pas. Attends, tu veux faire un coup de gueule à TF1? Ah, c'est quoi la radio? Ça passe sur une chaîne câblée, mais c'est pas important. Voilà. Et encore plus, maintenant, j'ai un coup de gueule, c'est vis-à-vis de la GAF. Parce que je viens d'apprendre que justement, j'étais bloqué pendant 3 mois dans une cage. Quoi? Ouais. De quoi? Ça c'est vrai. Je l'ai vu sur MTV. De quoi? Quelqu'un qui est bloqué pendant 3 mois dans une cage? Ouais. Dans une cage. Tout à fait. Tu sais où on fait sortir les gens? Ouais, mais c'est un singe qu'ils ont bloqué. Non. Un homme. C'est un homme. Pendant trois mois, il a été bloqué. Merde, ils ont pas mis un singe? Non. Ils auraient dû mettre moi comme singe. Oui, ça c'est clair. Ouais. Mais toi, ça fait déjà 2 ans que t'es dans une cage, mais tu t'en rends pas compte. On va appeler TF1. On va mettre un petit remix. On s'en branle de T-Remix. Bon, allez. TF1. François, ça nous fait. TF1, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'ai un coup de gueule à passer là. Oui, c'est Françoise. Oui, c'est Françoise. Bonjour à Max. Salut. Salut. Ça va bien, c'est l'anniversaire de Gérard ce soir. Voilà, Peut-être anniversaire de Gérard. Déjà, j'ai 2 coups de gueule à donner. Oui. Déjà, je voudrais savoir quand est-ce que vous allez me remettre Haine et Passion. Ouais, d'accord, tu peux savoir alors. Parce que vous nous l'avez coupé d'un seul coup et j'aimerais bien le retrouver. Hein. Mm-hmm. Déjà une chose. Et deuxièmement, c'est un coup de gueule parce que en principe la GAF, il devait pas partir. En fin de compte, il part et il part que justement c'est à cause d'une personne qui a été bloquée pendant 3 mois. Ah oui. Ouais. Dans une cage. Ah bon? Ouais. Et ça c'est vrai. Et tout le monde le sait, hein. Même Max le sait. Ah bah évidemment, parce que je l'ai appelé. Vous avez appelé à l'époque, vous avez dit que ça était. Et là, Françoise nous a appris que c'était définitivement terminé. Ouais. Ah bah. Bon, alors. Oui, exactement. Les mauvaises aussi. Des fois, ça peut s'arrêter, ça fait pas de mal. Et en plus de ça, on apprend que dans cette émission, il y a un homme qui est enfermé 3 mois dans une cage. On l'a appris par Françoise et on est scandalisé. Bah, vous n'y êtes pour rien personnellement, mais... Ah non, ça, j'étais pour rien, j'étais même pas au courant. Bon, d'accord. La deuxième chose. Comme par hasard, personne n'est au courant, soi-disant. Soi-disant. Mm-hmm. Parce que vous cachez bien votre vérité, là. Vous avez peur du scandale ou quoi, là? Ah non, moi j'ai peur de rien. suis très timide, mais il y a des limites. Hein. Oui. Il y a des limites. Hein. Moi, un de ces quatre, je vais descendre à TF1, vous allez voir votre gueule. Hein. Moi, je casse tout votre baraque. Non, le problème que tu risques de rencontrer, c'est qu'une fois, elle est venue à la radio, alors que c'était pas prévu. Mm-hmm. Et je me suis payé 300 balles de taxi. Et à mon avis, elle risque de débarquer à TF1 sans un sentiment poche, et elle va demander à ce que ce soit TF1 qui la paye. Oui. Donc, méfie-toi. Mais toi, tu y es pour rien, bien sûr, mais dis à monsieur TF1 qu'il se méfie. Hein. Oui, oh ben... Ah, je me paye le culot, moi, de descendre même tout de suite, hein, s'ils veulent. Alors, tu dis à le lait, là, ou à le café, ou à le sucre, là, peu importe. Ouais, moi, je descends tout de suite, toi. Hein. Moi, alors. Moi, je descends tout de suite, toi. Hein. Alors, Gérard, tu peux éteindre ton micro. Si le lait... Si monsieur le lait ou monsieur le café, ça va chier. Ah, ça va chier, là. Ah, bah oui, je veux bien. Ah, complètement, hein. Complètement, hein. Moi, je descends, hein. Tout de suite, là. Je m'habille et j'arrive, hein. Parce que là, elle est à poil, hein. Parce qu'on vous l'a pas précisé, hein. Ah, non, oui. Je suis pas à poil, hein. Bah, elle va pas jusqu'ici, alors. Non, bah, non, je suis pas à poil encore, hein. Non. Eh, hey, oh. Voilà. Bon, Gérard, bon, merci, monsieur TF1, en tous les cas. Et n'oubliez pas de remettre haine et passion, hein. Parce que oui, bah, on sait. Vous essaierez, faites votre possible. Vous avez intérêt parce que sinon ça va chier. Hein. Faites-nous des bons programmes comme il y a 30 ans. Ah bon, ça va être difficile. Bonne bourre, amuse-toi bien, merci. Merci, au revoir. Ciao, amuse-toi bien. Françoise, tu as été féerique. Là, pour l'instant, c'est ce qu'il y a eu de mieux dans la soirée. Hein. Avec Stéphane et un petit peu de Gérard, 3 minutes, 3 secondes. Gérard qui a revêtu. T'es plus joli comme ça, je te préfère comme ça. Et Alain, bien entendu, qui n'arrête pas de parler. Alain, ouais, il n'arrête pas de parler. Alain, quelque chose à dire? Un bisou. Embrasse-le sur la bouche. Gérard, on va venir avec Hervé, avec Ludovic et avec Jean. Et là, on va écouter l'une des premières interventions de GG quand il était dans sa cabine téléphonique de Suresnes. Vous allez écouter ça risque de cogner au niveau de l'alcool. Vous allez voir, vous allez écouter par ses interventions le degré d'alcoolémie que Gérard pouvait avoir dans les veines lors de ses premières interventions. Vous écouterez les premiers poèmes de GG qui n'ont depuis aujourd'hui, il nous en a fait la preuve, pas du tout évolué. Et la troisième chose, ce sont les histoires hilarantes de notre ami GG, les histoires de Toto. Et puis ensuite, on mettra un petit morceau et on se retrouve juste après pour la suite de la Radio Libre. Ce soir, anniversaire de Gérard, soirée très spéciale au 0800 70 5000. À tout de suite. Gérard, ouais. T'as des histoires? Ouais. T'as fait un petit poème? Ouais. Bon alors. Bon alors, une rose a pris possession de mon cœur et s'est épanouie de jour en jour. Sa beauté me consume à petit feu et. Est-elle le phénix renaît dans ses cendres. Ses pétales d'un rouge resplendit de lumière, à chaque fois que je crois l'atteindre, elle fuit mon regard. À quoi vont déclarer ma flamme que j'éprouve, telle une toile d'araignée m'a pris au piège. Piège si dur et agréable, par moments, une rose si belle à ma pensée. Oh bah c'est pas mal. Et c'est toi qui dis ça? Bah ouais. Eh ben, c'est pour qui ça? C'était destiné à qui? Bah, à n'importe qui. À n'importe qui? à ceux qui voudra bien l'écouter et à ceux qui répondra à mon offre de tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent, femmes, seules et solitaires, abandonnées, ne croyant que plus personne ne veut t'aimer, Gérard te dit que non, il existe encore des gens sur cette terre qui veulent t'apprécier et Gérard va te le prouver. Allez, Gérard. Alors, vous les filles qui écoutez Fun, en compagnie de Max la nuit, oh, vous qui êtes toujours en train de dire du mal de Raphaëlla, vous qui tombez amoureux de Max, vous qui croyez que Max tombe amoureux de vous comme ça, il faut être sûr que lui vous aime. Vous qui restez jusqu'à 2h du matin à écouter Max, vous qui appelez souvent pour dire que vous êtes folle de lui, vous souvent qui appelez pour dire que j'ai été avec quelqu'un, mais au bout d'un mois, il est parti. Souvent, qui dit du mal de Raphaëlla, elle a une voix superbe. Le deuxième. Oh là là là là là là. Et attention, les rimes et tout ça, ça fuse dans tous les sens. Hein. Alors, le deuxième. Oh, en écrivant une lettre à votre copain, vous écoutez la libre antenne de Fun. En compagnie de Max, vous ne savez pas quoi lui mettre. Max vous donne certaines idées pour que vous séduisez votre copain. Vous restez souvent au téléphone sans quoi dire, car Max vous séduit dès qu'il vous parle. Vous venez sur le trottoir pour voir Max à la fin de l'émission, mais il ne peut se créer un passage pour rentrer chez lui. Si c'était vrai, Gérard, si c'était vrai. Gérard, raconte-nous une histoire. Bon, vas-y. Gérard. attention, oulala. Je voudrais une boîte de... La dame lui demande une boîte de quoi? Bah, une boîte de... Un monsieur qui entend son... qui attend son tour dit il voudrait une boîte de préservatif. Toto se retourne, il dit merci. Il dit merci monsieur. De rien Toto. Je voyais que vous aviez un problème pour le dire. Voilà. Terminé. Oh là là là là, quel talent. La suite demain. Comment ça la suite demain? Ben, y en a plus pour aujourd'hui. Bon alors c'est Toto qui attend le bus. Puis il voit une belle dame, une belle fille, d'environ la vingtaine. Puis il s'approche. Alors il dit bonjour mademoiselle. Alors la jeune fille elle lui répond bonjour monsieur. Alors le Toto dit ben, vous allez où là? Ben il dit je vais à la défense. Ah ben moi aussi on peut faire la route ensemble dans le bus. Bon ben Toto il prend le bus, il va avec la nana jusqu'à la défense, ils font des courses. Et Toto comme il est un peu cochon, il commence à y mettre la main. Alors la nana se retourne, elle lui dit mais croyez que c'était pour aller faire des courses, c'était pas pour baiser que vous m'aviez appelé. Voilà. Ça fait Gérard. C'est grand. Ah, c'est grand. Bah, j'ai eu le temps encore de creuser dans ma petite tête un petit truc, mais c'est pas fini. Alors, je vais te le dire et je vais le lire pour les auditeurs. Alors, celui-là, c'est sur un mur. J'ai gravé mon cœur, mais le maçon l'a recouvert de béton. Sur une voiture, j'ai gravé mon cœur, mais la poussière l'a effacé. Sur une cigarette, j'ai gravé mon cœur, mais la cendre l'a fait fondre. Sur une feuille, j'ai gravé mon cœur, mais le vent l'a emporté loin. Voilà, pour l'instant, c'est tout, hein. Ah non, mais c'est déjà pas mal. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 vers. Gérard, le Star System, c'est ça. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Kill them all, and we come back alone. C'est boom day. Mad Lion, n'est pas de microphone. Radio Libre de la nuit, 3h du matin, et ce soir on continue et on pousse avec quand même les Busta Rhymes, juste avant Mad Lion. Petit souvenir personnel qui me rappelle l'été dernier, la Martinique et Saint-Barthélemy, puisque j'écoutais ça pendant tout l'été. Et voilà, très sympa quoi. On a des petits cadeaux à offrir à Gérard encore, un cadeau tout particulièrement de la part d'Alain, et ensuite on va continuer la Radio Libre. Ah non, c'est pas, c'est de la part de qui? D'un auditeur, d'accord, qui, voilà, hop. Un bisou. Allez, ah bon. Ah. De la part d'une auditrice. Ben, on va voir. Alors, tu nous décris ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas regardé. Oh là là. Une porcherie, là. Je sais pas, regarde ça. Regarde-moi la porcherie, tu vois. Tu vois? Ça, c'est un cadeau. C'est quoi? Un préservatif, c'est un cadeau. Voilà. Mais par contre, là, c'est... On a toujours on a plus Fun TV là. Tiens pour toi ma chérie, tiens pendant que tu bouffes. Ouais. Une chapote. Ouais, tu vois, ça je te le donnerai pas. Qu'est-ce que c'est? Ben décris, qu'est-ce que c'est? C'est l'insigne du sida. Voilà, et ne pas confondre avec, c'est pas l'insigne des pompiers. Hein. Ouais. C'est pas la même chose. Attends, on te remet quelque chose. Hein. Fils de pute. Donc, non mais je remercie la personne qui m'a envoyé ça. Voilà. Le petit insigne, bon ben... Elle s'appelle Christine et elle a 25 ans et apparemment elle a donné son numéro de téléphone. Elle voudrait que tu l'appelles après l'émission. Non, mais attends, si elle c'est... Elle va se faire foutre. Elle va se faire foutre. Si c'est Christine qui est sortie avec moi, c'est pas la peine. Donc le petit insigne de sida, je vais le garder parce que c'est un truc oui. Qui me tient chaud à cœur. Voilà. Et... On va changer quel son. Voilà. Voilà. Ok, bon. Très bien. On continue au 0800 75 000 ce soir. La Radio Libre continue plus tard que prévu. Parce que d'ailleurs, on l'a déjà pas mal écourté vu que j'étais suffisamment énervé. Mais ce soir, je suis de bonne humeur. Donc, on continue avec Hervé, 31 ans. Bonsoir Hervé. Ah bonsoir. Salut Hervé. Tu nous appelles d'où Hervé? Ah, je vous appelle de Oisy-le-Verger. Voilà. Alors, on t'écoute Hervé. Il y a toujours Stéphane bien entendu qui est là. Il y a Françoise également et tu as Alain qui n'arrête pas de parler. Ah ok ouais. Tu veux pas du gâteau Alain? Ouais. Alors, première chose, c'est GG. Ouais. Je souhaite ton anniversaire. Merci. Je dis pas bon anniversaire parce que je ne sais pas pour toi s'il sera bon ou s'il sera mauvais. Ça, vous parlez la même langue, vous parlez la langue de l'alcool ou non? Et peut-être que oui. Hein. Ou peut-être que non. Mmh. Non mais attends, Hervé. Ouais, ok. Je vais te dire une chose, pour l'instant, mon anniversaire, jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Donc j'espère que ça compte. J'espère... Donc je te dis bon anniversaire. Merci. Voilà. Hein. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Fun Radio. Hein, mm-hmm. Parce qu'on entend toujours Max, Julie, mais. Hein, et je suis sûr. C'est-à-dire ? Hein ? Bah dis les noms. Bah dis les noms, je les connais pas, malheureusement, tu vois, je les connaisserais, bah je serais le premier à les dire. Et Florent, t'as oublié Florent ? Ah voilà, Florent, c'est puis tout le monde, et puis voilà. Hein. Mm-hmm. Non, de toute manière, t'as oublié Yannick qui va venir dans peu de temps, à moins qu'il soit encore en vacances, mais apparemment je l'ai vu dans les studios. Ah ouais, mais attends, il est peut-être dans les studios, mais il est peut-être toujours en vacances, il est peut-être toujours aux États-Unis. Ouais, non, mais là, je l'ai peut-être vu... Peut-être qu'il n'aura pas envie de revenir, hein, c'est bien où est-ce qu'il est. Ouais, bah, de toute manière, bon, bah, voilà. Voilà. Enfin bref, comme dirait Pépin. Hein. Ouais, Pépin le bref. Merci, Pépin. Donner un coup de gueule, moi. Ouais. Hein, envers tous les auditeurs de Fun Radio, là. Ouais. Monde, là. Ouais. Pourquoi on se fout toujours de la gueule, GG, alors que c'est un mec super. Non, mais attends. Expliquez-moi pourquoi. Non, mais attends, là, je vais te dire une chose, Hervé. Ouais. Ouais, c'est Hervé à tout le monde. Ouais, c'est Hervé, ouais. Ouais, ben, je vais te dire une chose, tu vois, pour l'instant, t'es mal tombé pour demander ça, parce qu'à l'heure actuelle, là, on fête mon anniversaire. Ouais. Et là, il y a tout le monde dans les studios, donc on n'est pas là pour passer des coups de gueule. Ah, ok. Hein? Mais des tu coups de gueule. Quand même que moi, je te trouve quand même super. Ouais. Alors, j'aime pas, tu vois, qu'on déboise un peu sur ton dos, tu sais. Non, mais ça, c'est pas grave, de toute manière. Ouais. Là, Bah, tu vois, c'est vraiment la preuve que t'es un mec super parce que tu prends vraiment la bonne. Ah, c'est vrai qu'il s'énerve très rarement. Hein. Faut vraiment le pousser pour que Gérard s'énerve, sinon c'est quelqu'un qui a un tempérament plutôt cool. C'est vrai, Gérard? Bah, Gérard, parce qu'il s'essuie, il transpire. Ouais, je t'écoute, Hervé. Non, mais je disais, Gérard, c'est vrai que pour que tu t'énerves, faut vraiment qu'on te dise des. Sinon, tu t'énerves jamais. Non, mais de toute manière, ça dépend. Ça dépend de quoi qu'on parle. Parce qu'il y a certains trucs que je veux qu'on parle et d'autres pas. Donc ce qui se passe à la loco dans les chiottes, ça ne regarde personne. Voilà. Ma vie privée ne regarde personne. Affirmatif. Christine, on s'en fout, c'est pas peine toujours de remettre Christine sur le tapis. J'ai jamais parlé de Christine, et moi. Non, mais on n'a pas dit toi, mais le fait de mettre des remixes sur le tapis, de dire qu'il y a des soirées sur ton dos, on n'en parle pas ce soir parce que c'est la fête, mais normalement il y a plein de courriers qui est arrivé et qui sont assez hallucinants. On en parlera jeudi, et il y a vraiment des apparitions qui sont dans le magazine Best. Oh, bon, on en parlera jeudi, parce que si on commence à parler du magazine Homo, c'est pas un problème, on s'en fout des magazines. Ça va chier, ça va moi, chier. Moi, personnellement, je m'en fous des magazines. Moi, non, j'aime bien, c'est l'animation, c'est l'ambiance de fun, c'est la transpiration de Gérard. Ça va pas plus loin, quoi. Voilà. Bon, normalement, on devrait avoir c'est Alexandra super, qui devrait arriver dans les studios. Là. Ah, bah voilà, elle est là. Ah, elle est là quand même. Ah, bah c'est ça, bah tu peux partir. Comment Ouais, bah ça, vas-y. Rigoler, quoi. Attends. Eh, Max. Ouais, Max, vas-y. C'est bon, j'ai un petit mot à dire, si tu me permets. Ouais. Hein? Tu vois, moi, j'écoute Fun, tu sais pourquoi? Non, mais j'ai ma belle-fille qui a 16 ans qui m'a dit il faut écouter Fun. Bah, hein? Je t'ai dit qu'il faut écouter Fun, il faut écouter Fun. Ah ouais, du coup, j'ai écouté Fun et puis, bah voilà, je me suis mis dans l'ambiance, c'est tout, quoi, tu vois. Gérard, il y a deux. C'est bien. Y a que toi qui peux gérer l'alcoolo. Pas toi, je parle d'alcoolo, Hervé. Stéphane a été très calme ce soir. Non, mais si. Prends le micro, Steph, si t'as des trucs aussi. Stéphane, vas-y. Prends le micro de Françoise, parce qu'on l'entendra mieux avec celui-là. Vas-y. What you want to say? I speak to you. Alors, hello. Vas-y, ça sera plus drôle que ça. Hello, my friend. How are you? Oh. It's alright? Well, thank you. Okay. I'm well, I listen to you. Okay, thank you very because much. Because I don't listen you, I'm not well. What do you mean? It is not because you are, I am you, because I do. Speak French. Ouais, quand tu veux. Parle français, ouais. Qu'est-ce que tu veux quand même, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Non, pose une question. Vous êtes bien quand même, hein. Vas-y. T'as une question à poser? Parle à Stéphane qui est le roi de l'improvisation et du verre. T'as une question à poser? Solitaire. Ah ouais, j'ai une question à poser. Sur quoi? Bon, la gauche vient d'en passer au pouvoir, qu'est-ce que t'en penses? On parle pas de politique. Attends, Hervé. Il voulait pas le poser, celle-là. Hervé. Yes. Hervé, c'est Gérard là qui te parle. Ok, Gérard. Non, mais là, tu vois, si tu veux t'amuser à parler politique, net. Non, je parle pas politique. Hein. Non, tu parles avec Stéphane, autre chose politique. Ok? Sinon, Non problème. Tu repasses au standard. Aujourd'hui, Genre depuis minuit, ce n'est plus. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? C'était la Saint-Hervé aujourd'hui quand même. Ouais, c'était ma fête, c'était ton anniversaire. Ouais, exact, exact. Alors, j'ai arrosé ma fête et puis j'ai arrosé ton anniversaire. Hein. Très bien. Voilà. T'as bu du champagne? Non, j'ai pas bu de champagne. Ah, t'attends, parce que on en a bu, nous, ici. Ouais, moi, j'ai... Enfin, je vais pas faire la publicité, mais j'ai bu des boissons anisées, quoi. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Il faut modérer. Stéphane, Stéphane, il sait ce que ça veut dire que modérer. Hein. Quand on modère plus... Voilà, mais enfin, faut quand même se modérer, hein, parce qu'il y a le boulot qui arrive. C'est clair, c'est clair. Merci Agnès d'avoir été chercher Alexandra. Si des fois on pouvait avoir Alexandra dans les studios. Merci de la ramener maintenant. Si des fois on pouvait venir. Non, mais elle va venir tout à l'heure, on s'en fout, Gérard, on fait de la radio, s'il te plaît. Je te jure que toi tu vas trinquer, hein. Profites-en, Gérard, c'est tes dernières heures de radio. Et hein. De quoi? Profites-en. Hervé, bonne nuit, amuse-toi bien. Faut pas faire trinquer Gérard, hein, non. Salut à l'autographe. Faut lui faire le fête, oh. Allez, merci Hervé, bonne soirée, bonne nuit, amuse-toi bien. Jean, 42 ans de Béziers, bonsoir Jean. Jean, tu es un agent de surveillance des nanas. Non, non, je suis monsieur Jean, bonjour monsieur Max. Bonjour. Bonjour monsieur Gégé. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais demander un conseil à monsieur Gégé. Ouais. Alors, lui, c'est un déjà... Il est incapable de te donner un conseil, hein, ce soir. Un bon anniversaire, quand même. Merci. Ouais. Et comment il fait pour surveiller un peu ses rondes, ses grosses rondes, ses petites rondes, tout ça Parce que, bon, ben, moi, je travaille sur Barbès et surveiller un peu mes petites rondes, mes grosses rondes, quoi, bon... Non, mais là, je vais te dire une chose, là, je peux pas te répondre là-dessus, parce que c'est un truc que je peux pas dire, d'accord? Bah oui, non, mais quand même, quoi... Je peux pas te dire là-dessus, d'accord? Je voudrais avoir quand même des petits conseils, quand même. Non, non, mais là... C'est ton boulot, t'es censé pouvoir expliquer, hein. Non, mais je peux pas. Et pourquoi? Je peux pas, parce que... C'est un agent secret, attention. Non, je peux pas. Il y a Laura, son mini-deck, qui dit c'est un secret professionnel. Ah, Laura! Bah, déjà, pour relever les compteurs, Non, mais de toute manière, je ne peux pas te répondre. Mais déjà, relever les compteurs... Éteins ta radio, Jean. Jean, éteins ta radio, merci. Déjà une. Je n'ai pas de radio d'allumer. Ouais, bah alors, t'éteins... D'accord. Réponds-lui, Gérard. Non, mais attends, le téléphone, là, il est pourri, c'est pas la peine. Réponds-lui. Non, mais attends. Là, c'est pas la peine. Réponds-lui. Non, mais... Oh, Jean. Réponds-lui. Oh, tu te réveilles? Il est là, réponds-lui. Jean. Comment? Bon, bah, il est plus là. Tu te démerdes. Bah, il est plus là. Il est là, Jean. Je suis là, monsieur Gégé. Bon, alors, t'étais où, là? Non, mais il était là. Allez, vas-y, Gérard, donne-lui un conseil. De toute manière, je peux pas... Pour relever les compteurs, tout ça... Bon, non, mais attends, mes compteurs, je vais pas les relever au bois de Boulogne, d'accord? Non, mais... Bon, une. Je n'ai pas parlé du bois de Boulogne. Ouais, non, mais... Je parle de... Non, mais deux. Moi, je suis à Barbès. Je m'en fous, t'es à Barbès, ça me fait une belle jambe. D'accord? Oui. Bon. Et en trois, je peux pas te dire comment que je fais mes rondes. Parce que j'ai pas le droit. Non, ça n'est pas une histoire de non, non, mais c'est la question qui m'a posée. C'est une histoire de pouvoir surveiller les entrées, les sorties et tout, et de relever les compteurs. Oui, ben là, c'est une question que tu m'as posée, donc je peux pas te répondre. D'accord? Pourquoi le monde de la surveillance, c'est top? Non, des trucs comme ça, on peut pas les dire en direct à l'antenne. C'est-à-dire qu'il faut être surveillant pour... Entre surveillants, comment ça se passe? Non, mais Il y a des codes secrets? Là, on peut pas donner des... Bon, des trucs. On s'était devenu à mi-temps agent de sécurité. Voilà. Quand t'es agent de sécurité, il y a des codes à respecter. Et on n'a pas le droit de les donner à l'antenne. Voilà. C'est top secret? Ouais. Non, mais c'est pas... Surveiller les entrées, les sorties, pouvoir les comptabiliser, tout ça, être sûr, bon, des entrées, des sorties et tout, et de pouvoir relever les compteurs à la sortie. Savoir combien les nanas ont le mec par soir. Attends, là, tu veux aller où, là? Ben, moi, je ne vais nulle part. Non, mais attends, relever les compteurs, tu veux dire quoi, que j'ai relevé mes compteurs au bois de Boulogne, c'est ça? Il a raison, Gérard. Apparemment, tu veux venir là-dessus. Et moi, je travaille à Barbès. Ouais, mais attends, dans ce cas-là, faut pas confondre le tentaculaire en confondeur. C'est ça, ok. C'est pas un truc que tu ressors tout le temps. Maintenant, Gérard, tu dois quand même nous donner 2-3. Comment ça se passe? Tu commences à quelle heure ta journée? Ça dépend quand Comme mon chef il est là. Et... Ouais, mais quand tu démarres, c'est vers quelle heure? Vers 20h? Non, mais compte, normalement c'est à 20h, mais comme son chef est là, il peut pas dire qu'il y va avec 3 heures de retard, quoi. Non, non, bah attends, je n'ai jamais été avec 3 heures de retard, d'accord. Donc okay, tu démarres, t'as Florent? Non, non, non, non. Attends, parce que Florent. Monsieur Gégé, quand vous êtes dans une cabine téléphonique, que vous téléphonez à la FM Radio, comment vous arrivez à surveiller les entrées, les sorties, vrai, et tout, et pouvoir comptabiliser? Non, mais attends. Et déjà une. Déjà une. Je contrôle quand c'est rare que j'appelle Fun Radio sur mon lieu de travail, d'accord? Bon, et de deux, de deux, il y a personne qui rentre quand ça se produit. Ok, il y a que sa femme, son chien, pardon, qui peut rentrer. Non, non, mais de toute manière, il y a personne qui rentre, c'est tout. Point final à la nuit. Point final. Allez, même son chef, il veut rentrer pour son. Non, tu rentres pas. Basta. Juste la dernière question, Gérard. Donc, quand t'arrives en début d'après-midi, d'après-midi vers 20h, tu vas jusqu'à 8h le lendemain matin. Tu bois combien de litres de café pendant la nuit? Je bois une thermo, Henri peut te confirmer. Un litre et demi, c'est des thermos de 2 litres, 3 litres 3 litres. Henri, c'était un combien de litres la dernière thermo que t'as ramené? 3 litres. 3 litres. Donc j'ai bu 3 litres dans la nuit, voilà. 3 litres dans la nuit? 4, il me dit 4 litres. Combien tu dis, Henri? 5? Non. 3 litres, t'as un quart, ouais. Viens là. Ouais, tu veux pas dire un petit mot au micro, non? Bah viens. Non, t'as pas envie, juste pour nous raconter un petit peu comment est la journée de Gérard. Non, il a pas envie. Mais non, tu veux pas raconter la semaine à part 3-8. Henri nous a dit Gérard en vacances, ça c'est intéressant. Il y a Gérard qui nous dit qu'il y avait des codes qui étaient interdits de donner sur l'antenne, des codes de. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, je sens pas un peu GG. Attends, pour l'instant. Approche-toi-moi d'un micro. Tu peux parler dans le micro, on te verra pas. Hein, y a pas, c'est juste pour qu'on t'entende. Les 803, les 805, les 803, les 605. Faut que tu parles devant le micro, vraiment. Approche-toi. Faut pas donner des codes secrets. Hein. C'est-à-dire alors, des codes secrets? Les 603, les 805. Ah, mais là, tu les donnes, 15. Là. Ouais, d'accord, ok. On parle pas, GG. Les 504, les 205 pigeons et tout. Oh, non, mais attends. Non, mais attends, c'est bon. Tu vas chercher la Kronenbourg et c'est bon. Tu la mets dans ta pigeot et c'est bon. Non, okay. Non, attendez. Je te souhaite un bon anniversaire. Merci, Jean. Bonne nuit. Henri, donc, qui est intervenu là très rapidement, en fin de compte, est celui qui est le chef de Gérard. Hein, Gérard, c'est vrai, c'est ton chef au boulot. Il y a ton chef à la radio, il y a ton chef au boulot. T'as les deux chefs avec toi. J'ai trois chefs et le troisième, il est pas là. Je pense qu'il est en inter. Il dort. Bon, voilà. Et donc, Henri, qui est donc ton chef, Henri, tu confirmes, il faut surtout pas donner les codes. Les codes secrets, les qui sont, je le rappelle. Le 803, le 805. 800, le donc, 800. On n'a pas le droit de dire que non, le 805, c'est un code secret. C'est interdit de dire à la radio, surtout. Tu peux en parler, Gérard, ou pas? Non. Pourtant, t'en as parlé tout à l'heure. Non, mais est-ce que, Gérard, tu pourrais nous donner au moins le code? Non, ça c'est des codes qu'on s'est donné tatou, donc c'est tout. Donc t'as pas le droit de donner le code 805. Non, interdit. Gérard, tu peux en parler, tu peux donner le code 805. Je sais pas qui c'est 805. Faut en parler, c'est pour ça que c'est secret. Ouais, mais 805, je sais pas qui c'est. 803, c'est pareil, c'est secret, faut pas en parler. Mais par contre, comme t'es là, on va quand même remercier la Françoise de Chatou. Ouais, non, mais on s'en fout. Moi, quoi, on s'en fout? Non, c'est sa femme. On va quand même la remercier. On va quand même la remercier parce qu'elle m'a quand même appelé sur mon tatou pour me souhaiter un bon anniversaire. Alors, attends. Moi, je l'ai le code secret. Hein. C'est quoi le code secret? Je peux le donner à l'antenne. Henri. Ah non, non. Non, non. C'est ça le code secret. Non, mais là, continue. Balance le numéro, moi je m'en vais. On n'a pas le droit de donner, mais c'est le code secret. Tu dis c'est pas secret tout le monde là. Non, mais. Moi je vais te le donner. Non, mais vas-y. Fais dans ce cas-là, tu veux le numéro aussi. Tu fais 08, 52 et tout ça. Non, okay. non. 06, 57, 82. Ouais. Eh ben. Voilà. Non. Mais arrête. T'as gagné. Ah non, j'ai déjà. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? J'ai gagné quoi? Le million? J'ai pas compris, moi. Personne n'a compris, Gérard. Hein. De toute façon, hein. Personne n'a entendu ce que j'ai coupé. Hein. C'est pas passé à l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'entends rien, Gérard. Tu m'as donné un faux code. J'ai donné le vrai, moi. Gérard, je n'entends rien. Micro. Qu'est-ce qui s'est passé, Florent? Il a donné le faux code, moi j'ai donné le vrai, qu'il a donné à tout le monde d'ailleurs et que tout le monde connaît. Stéphane, tu connaissais le code? Parle devant le micro, aidez-moi. Non, allume ton micro. Non, l'autre. L'autre, là. Voilà, vas-y. Tu connaissais le code? Pas du tout. Pas du tout. Gérard? Il y a un blanc à l'antenne, Gérard. J'entends rien. On gâche la fin de l'anniversaire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas compris. C'est quoi, c'est ton numéro de tatou qu'il a donné? Bah oui, mais c'est le code. J'ai même pas donné le numéro de tatou. De toute façon, il est même pas capable de reconnaître son numéro de tatou. Henri, c'est quoi le code? C'était ça? Non, c'est pas ça le code. Moi, j'ai même pas donné le numéro, il est incapable de le reconnaître. Vois, c'est pas ça le code, Gérard. Non, tu crois que je reconnais pas mon numéro de tatou? La preuve. La preuve, c'est que... Un numéro de tatou, Gérard, ça a 10 chiffres, j'en ai donné 6. Ouais. Voilà. Et donc, tu vois, leur nom de dos, ça sert à rien. Tu vois, ça servait à rien de paniquer. Non, mais c'est bon. Ça servait à rien de paniquer. Non, mais c'est bon. François, si tu veux, il faudrait que tu t'achètes un tatou quand même. Henri vient de dire, il manquait le 21-80. Voilà. Ah, bah, c'est Henri! Non mais c'est bon. C'est Florent. Non. Gueule. Non mais là il vient de terminer de le donner. Alors maintenant c'est terminé, moi j'arrête. Au revoir Gérard. À bientôt, merci. C'est pas passé à l'antenne Gérard, je te l'ai dit à toi là, le micro il est éteint. Il est éteint le micro. C'était pour te prouver que je l'avais pas donné. Ça passe pas à l'antenne. On va écouter de nouveau. Oui Gérard, tu voulais dire quelque chose? J'entends rien. Non? Tout va bien. Qu'est-ce que tu passes les remix? J'ai autre chose. Ah, encore vas-y. Un autre cadeau pour ceux qui nous écoutent cette nuit. Là, ça a été espacé sur 3 mois. On va écouter en 9 minutes et 3 secondes. Là, ça va cogner. Hein. Vous allez écouter pendant 9 minutes et 3 secondes les ultimatums de Gérard. Alors, j'explique ce qu'est un ultimatum. Enfin, Gérard va nous raconter les histoires des ultimatums et des histoires des remix. En deux mots, c'est quoi l'ultimatum et pourquoi t'avais donné ces ultimatums qui n'ont jamais été respectés par toi? Qui n'ont jamais été respectés parce que bon, on a déjà eu. Alors, qu'est-ce qu'un ultimatum? Ultimatum, c'est que je voudrais qu'on arrête de balancer des conneries sur mon dos. Voilà. Et Alors, pourquoi t'avais balancé des ultimatums? Il y en a dont un, le troisième, qui est extrêmement violent. Bah, le dernier. C'est l'avant-dernier, parce qu'il y en a eu quatre ultimatums. Non, alors, mais le dernier. Il va pas tarder à arriver. Non, mais il est maintenant. Parce que j'ai encore reçu des conneries. Donc, j'en ai ras-le-bol. Eh ben, parle devant ton micro et vas-y, fais l'ultimatum. Donc, je préviens d'une chose. Alors, qu'est-ce qui se passe, Gérard? Non, mais maintenant, faut que tout le monde se calme, qu'ils arrêtent d'envoyer n'importe quoi. Maintenant, je veux des preuves. Maintenant, je vais voir le courrier que j'ai. Je verrai ça demain. Ah ben, je répondrai aux gens. Maintenant, si dedans, j'ai des conneries, ça, c'est pas la peine. Moi, j'ai une plainte, mais on en parlera jeudi, hein, de l'homomag. Non, mais attends, ça, le Momag, tu me l'as fait la semaine dernière. Non, mais je les ai, moi, c'est que, attends. Non, mais c'est bon, là, ce grande truc-là. Non, mais ça, ce truc-là, c'est pas la peine de continuer. Ok? C'est clair et net. J'en parlerai surtout jeudi, mais je tenais quand même à dire ceci. Non, mais. En deux lignes, en deux mots. Grande soirée tantouse avec Tata Gérard, tu vois. Mmh. Alors, Homomag est heureux de vous annoncer que pendant les samedis du mois de juillet et du mois d'août, Gérard sera notre invité permanent dans les soirées homosexuelles au Queen. De nombreux gogo danseurs d'un Queen seront présents. Gérard attend avec impatience que vous veniez pour celle derrière. etc, etc. Bon, ça me fait rire, c'est bien. Alors, je lis ceci. Oui. Non, mais ça te fait rire, de toute manière, apparemment... C'est bien si ça te fait rire. Ben, peut-être pour toi ça te fait rire, mais pas pour moi. Tu vois? Alors attends, parce que moi je lis ce que personne n'a encore entendu. Ouais, ben... Déjà, on aurait déclaré ceci. De toute façon, il y aura des procès. Oui, j'aime bien qu'on vienne me ramener le derrière. Ça fait depuis un mois que personne n'est venu me blanchir le derrière. Non, mais attends, de manière, pour l'instant, t'es en train de te marrer. De toute manière, c'est des conneries. Non, ouais. C'est marqué. Ouais, c'est des conneries. C'est marqué ouais, sur blanc. C'est des conneries. Tiens, regarde. Alors, ouais, c'est des conneries. Il y a un concours, grand concours 60 places pour le Queen, avec des questions. Combien de kilomètres de bite Gérard a-t-il reçu dans son derrière? 10, 50 ou 500 kilomètres? Comment s'appelle l'ex de Gérard? Louis, Christine ou Carole? Quel est le nom de scène de Gérard Drag Queen? Ruby, petite bite. Ou Tata GG? Quel est le nouveau parfum de Gérard? Adidas, Transmilieu, Scorpion? Quel type de voiture aime Gérard? La Lada, la Citroën BX ou la Fiat Panda? Combien de femmes Gérard s'est-il baisé? Aucune, aucune ou aucune? Quel type de sous-vêtements Gérard porte-t-il? Alors, slip en cuir, string ou slip blanc, jaune devant et marron derrière? Alors Gérard, est-ce que tu peux répondre à toutes ces questions? Non. Bon, on en parlera jeudi plus en détail. Il y aura d'ailleurs un concours avec des places à gagner pour le Queen. Il y a également... Attends, parce que j'en ai des surprises. Mais bon, on en parlera plus en détail jeudi. Et là, c'est véridique, Gérard. Ne me dis pas que c'est pas vrai, regarde. Il y a un mec qui a passé une annonce dans le Best. Vend remix ultra rare de Gérard de Suren par DJ Russe, spécialisé trans, copy master 100 francs la cassette, Laurent Morel, 60 rues machin, etc. Regarde. Pardon, ça c'est des conneries. Mais non, là-haut. C'est des conneries, je te dis. C'est une petite annonce des conneries. C'est des conneries. Mais bon, c'est pas... Bah alors, bon, alors, c'est bon. S'il y en a un qui a le best, parce que là c'est le copy master malheureusement, mais là c'est véridique, Gérard n'en peut plus. J'en parlerai encore. Il y a également, alors attends, il y a également un cheval qui porte ton nom, qui s'appelle le cheval Gérard. Gérard, donc t'as terminé deuxième à Caen. Et attends, il y a mieux. Petite annonce véridique à 200 km. Gérard, 30 ans, mignon, bien membré, coquin, cherche femme 18-45 ans pour plaisir couple, ok, si femme jolie. Non, attends, proposition pour film X amateur, photo, exhibition, réaliser tout scénario, adore lécher recto verso, minou rasé, jeu, voyeurisme, exhibition, pour lieux divers, hygiène, discrétion, écrivez-moi, je reçois et je me déplace. Voilà, donc on en parlera plus en détail jeudi avec Gérard, il y a un moment d'envie, il y aura un nouvel ultimatum. Donc, dans un instant, la suite de la Radio Libre, bien qu'il soit que 3h25, toujours avec Alain, toujours avec Françoise et toujours avec Stéphane et Gérard, qui suent des aisselles quand même un petit peu. Petit medley d'ultimatum, 4 exactement, écoutez bien ça, c'est un pur bijou. Quel est le problème, Corinne? Voilà, ben le problème, c'est qu'il est plutôt grave, parce que moi, j'ai entendu dire... Il est très très grave, le problème. Qui se vendait sur le Vieux-Port des remixes de Gérard au prix de 100, 100 et quelques francs, je crois plutôt 100 pile. Et ça se vend parce qu'il paraît cher. Que bon, on peut le dire, Corinne, tu étais dans une discothèque tout à l'heure sur Marseille, la plus grosse discothèque, et pareil qu'ils ont passé 2-3 fois le remix de Gérard dans la boîte. Ils ont passé exactement combien de fois, Audrey, tu vas m'aider? Ils ont passé 4 fois le remix fois, de Gérard. Non. Sur la c'est simple. On va s'adresser à tous les DJ de France. Bon, c'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite. Je préviens à toute personne. Et là, je m'adresse à tout le monde. Et au DJ. Hein. Donc, je préviens à toute personne. La prochaine fois que je reçois un courrier en me disant comme quoi que un remix s'est passé, ça se termine au tribunal. Avis aux amateurs. Ah, ça calme. Bravo, donc envoyez des lettres. Oh, non, mais bravo. Donc, avis aux amateurs. Faut aller oser, faut aller avoir des couilles, heureusement tu l'as fait, Gérard. Avis aux amateurs. Non, mais ouais, aux amateurs, ça va être tout à fait. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? On va parler... peut faire dans l'immédiat, là, parce que. Non, mais. Et encore, on parle pas des photos qui ont été faites par des paparazzites. Non, bah, ça, les paparazzis, j'en ai rien à foutre. Sur Internet, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les coucougnettes. Et les castagnettes. Bon, bah, tant pis, bah, alors les gens vont se faire de l'argent. Non, mais maintenant. Non, mais tant pis, parce qu'un jour, il y a un mec qui va faire. Le jour où ça va être sorti. Ah, le jour où ça va péter. Hein. Là, le jour où que ça va aller trop loin, là, dans ces cas-là, j'aviserai. Donc, je préviens d'une chose. Mm-hmm. Vous avez une semaine. Oui. Ah non, mais là, c'est le fameux discours dont je t'ai parlé. Voilà. Donc, alors, c'est suite à divers tracks qui circulent à mon sujet. Je tenais à vous informer que je vous lance un ultimatum d'une semaine pour arrêter d'en parler sur la radio. Si des fois j'entends parler une fois de ce problème, il sera clair que j'arrête tout, c'est-à-dire débat et poème. Merci d'avance. Attends, mais tu dis pas merci d'avance. Merci d'avance, non, d'en prendre note, GG. Donc il est clair et net. Donc je préviens ce soir à 2h15 du matin. 2h16 même. Merci Max. Donc c'est simple, si j'entends encore une fois entendre le mot Gérard, même que ça soit pour savoir comment je vais, à la rigueur, je veux bien. Mais si j'entends une fois parler des conneries qu'il vient de se faire, c'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite, j'arrête tout. Donc vous choisissez. Donc c'est la mort de la radio, c'est la mort de mes émissions, c'est la mort de la FM en règle générale. C'est qu'on est tous condamnés à retourner sur les grandes ondes. Hein. Ben disons, ça sera la mort du petit cheval blanc. Comme c'est bien dit, c'est la mort du petit cheval blanc. Ce sera la mort d'un petit cheval blanc. C'est que ben vous aurez plus de poèmes et vous aurez plus de débats. Et vous aurez plus de Gérard par conséquent. Et vous m'entendrez plus non plus. Voilà. C'est même pas la peine d'essayer de... Bon, ceci dit, on retrouve tous les mercredis dans les pipe shows, bien entendu, comme d'habitude. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc vous avez un ultimatum, c'est-à-dire on est le 30. Donc vous avez jusqu'au 7 février à l'heure actuelle. Oui, alors profitez-en pour faire des soirées sur notre dos, faites-vous de l'argent. Non. Non, mais le problème, c'est qu'avec l'ultimatum, c'est un peu comme la bourse, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir comme un... Non, mais l'ultimatum, c'est simple, c'est clair et net. Les gens vont vendre des cassettes à 500 balles. Hein, ça, non, mais de toute manière, il est clair et net que si j'entends encore parler une seule fois de ça, c'est simple, c'est même pas la peine que tu m'appelles dans la semaine à la cabine, je ne descendrai pas et je te rappellerai plus. Alors, voilà. C'est grave, c'est très très grave ce qui se passe encore sur Gérard. L'officiel de la trans, donc déjà ça c'est le truc cyber-trans. Mmh. Gérard et ses poèmes samedi soir à la salle Omnisport de Rennes. Bon, alors maintenant, ça va être clair. Alors là, je le dis, ouais. Là, même s'il y a des auditeurs, même sur Minitel, ça va peut-être gueuler, mais ça, j'en ai rien à foutre. Ouais. C'est clair. C'est simple, jeudi, Max finira sa libre antenne, je ne fais pas de débat. Oh, ouais. Donc, ce n'est pas la peine d'appeler pour essayer d'avoir le débat de jeudi, il n'y en aura pas. Comme ça, vous comprendrez ce que ça voudra dire. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de ces conneries. Donc, je dis, il n'y a pas de débat. Voilà. Bon, c'est terminé. Je vais essayer de gérer ça après avec Gérard. Je vais essayer de le calmer dans 10 minutes. Non. Il est hors de question. Maintenant, c'est terminé. Je ne fais plus de débat pour jeudi. C'est terminé. Non, mais... J'avais prévenu, j'avais donné l'ultimatum. L'ultimatum n'a pas été respecté. Donc, je dis, il n'y a pas de débat. Tenez-vous-en sur vos gardes. Je dis, il n'y a pas de débat. Donc, c'est pas la peine qu'ils appellent pour le débat. Il n'y en a pas. Ok. C'est bizarre. Samedi, entre 2h et 4h du matin, il y en a qui se sont amusés. Il y en a qui se sont amusés à demander à Miguel à dire, ouais, je ressemble pas à Gérard. Alors ça, par contre, le samedi, sur les nuits des auditeurs, il est hors de question qu'on parle de moi. Donc, avis aux amateurs pour les prochaines nuits des auditeurs. Voilà. Donc vous êtes au courant, donc je dis il n'y a pas de débat, donc c'est pas la peine d'appeler pour le débat. Le débat, normalement, c'était prévu sur les râteaux, donc il est annulé. Oh non, il sera annulé, les débats seront annulés jusqu'à nouvel ordre. On aurait bien parlé de jardinage. Les râteaux, c'est pourquoi... normalement, le thème, c'était sur les râteaux, c'était pourquoi savoir que les nanas nous quittent. Donc, c'est même pas la peine que vous appelez, il n'y en a pas. Alors le débat, juste un nouvel ordre, donc on va peut-être avoir un nouvel ordre demain, quoi. Non. Tant pis, maintenant qu'on est lancé, sur les soirées. Je voudrais savoir pourquoi les gens aussi, maintenant en Belgique, se mettent effectivement à organiser des soirées bidons. Il y a eu sur l'internet une tournée de 4 dates dans les villes de Liège, de Namur, de Charleroi et de Bruxelles. Le 13 qui était à Liège, le 14 à Namur. Il y a eu le 15, il y a des soirées cybertrans au Carré d'As à Charleroi, qui est une boîte de cul qui peut regrouper plus de 1000 personnes. Au lieu de faire des PAX, envoyez les originaux, ça vaudra mieux. Parce que pour l'instant, avec des packs, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est bizarre, là, il y a un petit branleur là sur Minitel ou au Standard qui avait été dire, on voyait Gérard sur 3668, et dès qu'on y a demandé des preuves par A plus B, on les attend encore. Alors, vous êtes bien gentil, quand vous dites des conneries sur mon compte, eh ben, envoyez les preuves, mais réelles, pas des packs ou des merdes. Envoyez au moins le numéro de compte, puis je fais de l'argent dessus. Non, mais envoyez les preuves, ça vaudra mieux. Mais pas des fax, parce que je peux les falsifier. On peut falsifier n'importe quoi. Tu dis, c'est une preuve juridique, hein. Tu peux très bien venir en procès avec ça, hein. De manière, on verra bien. Donc, pour jeudi, de manière, je maintiens ce que je viens de dire, donc... Le débat sur les râteaux. Non, mais il y en a pas. Donc, jeudi, tu... Non. Non, ben, jeudi... Non, jeudi, tu... Bon, allez, feras... Gérard, quoi, merde. Non, tu feras ton émission jusqu'au bout. Oh, non, Gérard, quand même, merde. Non, je veux pas le savoir, c'est pas la peine d'assister. Oh, mais, Il est hors de question que je continue comme ça. Non, mais attends, Gérard, bon... Monsieur, excusez-moi, écoutez-moi, monsieur Gérard. Non, je veux pas le savoir, c'est tout. Mais il est hors de question. Mais tu fais plaisir à une minorité qui font ça, la main.